Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Eh bien le bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire 80 à l'heure sur RQC 95 FM sur le... 95 FM évidemment. Excusez-moi mais là je suis un peu perturbé parce que ça fait quand même une semaine, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Enfin la semaine dernière on n'en a pas fait, c'était le 15 août. Et donc on est content de se retrouver avec une équipe presque au complet. Avec des retours de vacances bien évidemment et on va en parler, vous le pensez bien. Alors j'espère que vous allez bien, on est content de vous retrouver, on va faire un petit tour de table pour évidemment présenter les amis, les animateurs et les emmerdes qui sont autour de la table. On va commencer par Flipcat. Et oui, bonsoir à tous. Et voilà, bien remonté. Ça va, ça passe bien. Ouais, bien remonté. Ouais, oui, je sens que toi, tu as des choses à nous raconter. J'ai vu plein de photos passer là. T'es parti en vadrouille ou je sais pas quoi. Mais oui, je suis pas mal vadrouillé. J'avais mon gamin pour trois semaines. Ah, le petit Rafi. Voilà. Ah bah ouais. Et oui, on a profité un max, oui. Eh bah t'as bien des fait. Des belles petites sorties. Eh bah c'est bien. Et dis-moi, tu as préparé un petit truc, oui. Un petit papier. Oh bien. Oui. Tu vas nous parler de... Alors bah écoute, j'étais un petit peu en manque d'inspiration et en fin de compte, en repensant un petit peu à l'actualité, notamment semaine dernière, les 40 ans de la mort d'Elvis. Ah oui. J'ai voulu rebondir de manière à faire une chronique relativement courte, on va dire. Ouais. Pour pas trop s'étaler. À mon avis, qui devrait te plaire aussi. Ah bah oui, et aux auditeurs, je l'espère, oui. Mais il y a des chances, bien évidemment. Voilà. Eh bah écoute, on a hâte, et donc ça, ce sera à 21h30. 30, exactement. Voilà. Le grand retour de notre Breton. Eh oui, parce qu'il est parti en escapade sur la Bretagne, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, Sherlock. Eh bien, ça va. Ça, moi, va ça va bien, ouais. Ouais. Puisque, gonflé au chouchen. Puisque tu ne me le demandes pas, je te dis ça va. Ah, mais j'allais te le demander, évidemment. Alors toi, tu nous reviens tout droit donc du pays où il n'y a pas de soleil. Eh ben, détrompe-toi. Détrompe-toi, non, non, mais détrompe-toi, bien parce sûr, que j'ai eu plus de soleil en Bretagne qu'il y en a eu dans le Nord pendant ces deux semaines, en fait. Et c'est possible. Ouais. Eh ouais. Parce que bah, sur les deux semaines, le problème, si je cumule toute la flotte, il y a les nuages qui le cachent et la pluie qui tombe. Mais sinon, oui, mais alors, il y a un petit dicton en Bretagne, c'est qu'il fait beau en Bretagne, ouais. Même plusieurs fois par jour, des fois. C'est ça, ouais. Et il pleut que sur les cons. Il pleut que sur les cons. Ouais, c'est ça, ouais. Et de temps en temps, il y a un ovni dans le ciel et c'est le soleil. Ouais, c'est ça. Bah, tu nous raconteras ça, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, ce soir, est-ce que tu reprends les bonnes habitudes? Tu nous as préparé une chronique rétrocinée? Eh ben non. Ah. Non, c'est encore les vacances jusqu'à fin août. Ah ouais, alors chronique estivale. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est une petite chronique, c'est les chansons bipées. Ouais. Il y a un moment, je vais biper une chanson. Ouais. Et je vais vous donner trois propositions. Il faudra trouver la bonne réponse. C'est bien ça. Ça, c'est sympa. Ah, t'as bien bossé là. Ouais, bah oui, ça je l'ai fait avant de partir en vacances quand même. Ah ouais, t'as que ça à foutre. Ouais. C'est voilà, ça, ouais. Ça existait déjà sur internet. Et ah non, pas du tout. C'est vraiment fait chier en Bretagne. En fait, il a fait un heure d'émission. Ah non, bah quand t'entendras le bip, tu vas te dire non, ça c'était pas sur internet. Ah, tu l'as fait à la bouche. Non. Bip. Mais j'en avais fait un, je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais fait une petite chronique comme ça. Ouais. Où vous étiez foutu de ma gueule avec mon bip parce que ça faisait un bip tout pourri. Ouais. Là, j'ai essayé d'en retrouver un autre. J'espère qu'il sera moins pourri. Mais je pense pas. Ok, et eh ben écoute, on a hâte. Donc ça, ce sera donc à 21h, ouais. Voilà, et à 22h évidemment. Les chroniques, enfin les sorties ciné ouais. Pour demain. D'accord. Franchement, il y a de quoi y a sortir pas aussi. Pas grand chose. Bah, il ouais. Y a pas grand chose en fait. Fin août, c'est compliqué. Souvent, ils sortent les très très grosses sorties, c'est fin d'année ou début des vacances, parce ça attire aussi les gosses au cinéma et tout ça. Mais c'est vrai que là, on arrive à la fin des vacances, donc c'est un peu plus compliqué. Ok, mais ça sera 22h. Mais allez voir Dunkerque. Oui. Très beau film. Ah bah ouais, certainement. Ouais, alors moi, j'ai eu quelqu'un que je connais sur Facebook qui connaît pas mal aussi l'histoire de la ville. Oui. Et qui me dit qu'il y a beaucoup d'incohérences quand même dans le film. Ah oui, je sais pas si historiquement, c'est pas... Mais ouais, par contre, le film non, est mais un enfin, peu, c'est surtout des petits clins d'œil du style les lampadaires qui n'étaient pas d'époque, ou les plaques d'égout qui ont été faites à la guerre. Mais, par contre, il y a des vétérans qui sont sortis un peu les larmes aux yeux en disant c'est vraiment ce qu'on a pris, surtout les scènes d'apocalypse sur les plages, ça a vraiment été ça. Je pense que oui, parce que j'ai vu un reportage également de vétérans anglais, qui étaient donc les premiers concernés, qui ont dit j'ai bien vécu. Ouais. Ça m'a, même pour certains moments, au travers du film, le gars avait eu comme un flashback, quoi, de choses qu'il avait un peu oubliées. Et il dit, j'avais l'impression de vraiment d'être dans le film, quoi. Bah, c'est un peu la même réaction que Canon quand il regarde Emmanuel. Absolument. J'ai l'impression d'être dans le film. Et bah justement, en parlant de pas grand chose. Ah oui. Canon est avec nous. Bonsoir les loulous et les louloutes et surtout les louloutes. Ça alors, va ouais, ça va, mais alors il paraît que tu vas nous faire faux bond très c'est rapidement. Pour ça, c'est pour ça que j'ai dit bonsoir. C'est que oui, je m'en vais. Ah oui. Donc, comment faisait le président là? Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était au revoir. Ouais, c'était, je peux pas rester avec vous malheureusement. Et je sais qu'il y avait des invités, donc par correction, je voulais les saluer. Les saluer, puisqu'elles étaient très jolies. Et je voulais absolument ne pas faillir absolument, à ma réputation. On va être d'ici quelques minutes, juste après la coupure musicale, en compagnie de charmantes demoiselles, oui. Dans le cadre donc, de l'élection de Miss Rondissima, qui aura lieu donc, le 2 septembre au CSE à Waterloo. Et pour l'occasion, ben, on va recevoir, là, juste après, elle est prête à venir nous rejoindre, donc Samantha, qui est la présidente. Et puis également, ben, alors on n'aura pas la Miss, qui, pour des raisons professionnelles, ne sera pas avec nous ce soir. Mais en tout cas, on aura les dauphines qui seront avec nous, et elle nous parlera donc de cet événement qui prend vraiment de l'ampleur. C'est la deuxième édition et donc on va les recevoir donc juste après. Donc c'est Samantha, les différentes dauphines pour l'élection donc de Miss Rondissima, donc qui aura lieu donc le 2 septembre à Waterloo au CSE. Alors je ne sais pas s'il reste encore des places, mais on vous en parle quand même parce que c'est un très très bel événement sur Waterloo. Ce sera juste après cette coupure musicale, mon ami Sherlock. Oui. Moi je vous salue parce que malheureusement je ne resterai pas à l'émission, mais je serai là la semaine prochaine sans problème. N'hésite pas à nous écouter sur la route. Oui. Jusque de l'avion. Non, mais jusque là où tu vois, tu dois capter normalement dans la voiture, il n'y a pas de problème. Ah oui, je vais vous écouter. Ouais, ouais. Alors oui, on va faire une petite coupure musicale avec deux anniversaires. Ouais. Parce que c'est l'anniversaire de Roland Orzabal. Ah bah bien sûr. C'est qui est le chanteur des Tears for Fears. Ah, il s'appelle comment? Roland Orzabal. Là-bas. Ouais, voilà. Non, absolument pas. Tu le savais? Non. Non, justement, j'étais en train de... D'écrire un SMS. Non mais je suis quand même... Donc on va le nom ne dit déjà rien alors, tu sais. Et Tears for Fears quand même. Bah non, honnêtement, pour une fois, là on va s'écouter donc... Ah oui, mais pas Tears for Fears. Ah non, pas de sorciers. Bon, ça va alors. Mais on va s'écouter Woman in Chains et ensuite on reviendra avec les Bangles parce que c'est l'anniversaire de Debbie Peterson. Une des chanteuses des Bangles avec Manic Monday. Vivement l'anniversaire Sylvie Vartan, de Pierre Perret. Espérons qu'on ait un petit déprime, ce serait bien. Oui. Et on embrasse. On embrasse aussi notre cher Onissa, speakerine de la météo. Oui, Onissa, qui ne peut pas être là avec nous. Et voilà. Donc voilà. Vous serez à trois, comme trois bandes de. Bon, mais on sera bien entouré, surtout t'inquiète, on sera bien entouré. Oui. Et voilà, et on est bien content que tu t'en ailles, tu nous laisses de la place et oui, c'est parfait. Je suis très content de partir. Et pour Sylvie Vartan, il y en aura la semaine prochaine. Génial. Voilà. Je vous avais dit aussi que la semaine prochaine, j'étais pas là. Allez, c'est parti, à tout de suite. We'll be right back. Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Et oui, bah, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment, tous les mardis soirs. De quelle heure à quelle heure, mon ami Sherlock? De 20h à 22h30. Ah bah, c'est bien, t'as bien appris ta leçon. Bah ouais, bah, j'ai eu 2 semaines pour réapprendre mes classiques. Ouais, parce que tu nous reviens tout droit de Bretagne alors. Oui. Hein. Bretagne du Nord, du Sud, t'étais où alors? Bretagne Finistère, pointe Finistère, ouais. Entre la pointe de Brest et la presqu'île de Crozon. D'accord, et qu'est-ce que ça fait de beau là-bas alors? Raconte-nous. J'étais en vacances, donc j'ai pas fait grand-chose. Si, j'ai visité quand même pas mal. Alors t'as vu quoi? J'ai été visiter une biscuiterie, une crêperie, une cidrerie. Ah tiens, évidemment. Non, mais en fait, il m'est arrivé plein de petites codes. C'est-à-dire que je vais pour voir une cidrerie, il est noté visite régulière. On arrive à la cidrerie, ah bah non, c'est pas aujourd'hui. Les visites, c'est le mardi et le jeudi. Nous, on était du mercredi. En Bretagne en même temps. Hein. Ouais, mais quand même, quoi. Mais on est allé, nous, on est descendu dans le sud au niveau de Concarneau. On est allé à la pointe du Raz, la pointe du Vent. On est allé à la pointe du Raz. Ouais, la pointe du Raz. Ça fait rêver, je trouve. Du Raz, R-A-Z. C'est pas que du Raz. Non, c'est la pointe du Raz, R-A-Z, comme le Raz de Marais. Ensuite, je suis allé voir le phare de l'île Vierge. T'as pas dû faire une contre-pétrine à mon ami, le phare de mais en même temps, c'est ça cette forme. Alors il faut savoir que c'est le phare le plus haut d'Europe, ouais. Et le plus haut du monde en pierre de taille. Il fait 87 mètres, ouais. Il y a 397 marches, et j'en ai monté 365 parce que je pouvais pas accéder en fait au niveau de la lentille qui porte jusque 58 km. Ouais. Et en fait les dernières marches en fait on peut pas les gravir parce que ça appartient au musée des phares et balises et comme ça a été repris par eux on n'a plus le droit d'y accéder. D'accord. Donc voilà, mais j'ai quand même monté 365 marches et j'étais crevé arrivé en haut. C'est ça que je te disais tout à l'heure, je t'ai vu hors antenne et j'ai dit, mais t'as maigri, mon ami. Mais oui. Tu m'as dit ça parce que, mais non, j'ai mangé des crêpes, tu vois, donc non. D'accord. Et t'as bu du chouchen? Non, pas du tout. Non, je bois pas d'alcool, donc j'ai pas bu de chouchen. C'est pas vraiment alcoolisé quand même. L'hydromel, c'est incontournable quand tu vas en Bretagne. Flipkat. L'hydromel ou le chouchen? Bon, c'est pareil. Chipote. Non, niveau non goût, moi, ma femme a bu du cidre et du cidre de poire. Ouais. Ce qui est logique, d'ailleurs, un cidre qui est fait à base de pommes avec des poires. Ouais. Non, c'est parce qu'il y a le cidre de pomme et le cidre de poire. Là, elle a bu du cidre de poire. D'accord. Mais elle m'a dit, le cidre de poire, on ne le sent pas, sauf quand on fait un petit rototo, on sent la poire, en fait. Mais Ça devait être mignon, hein. J'aurais bien aimé être là, une petite souris, là, en tête à tête. Bonjour, mon amour. Alors, tu passes une bonne soirée, oui. la poire. Non, parce que c'est vrai, on parle toujours du souchen. Bon, c'est un goût un peu particulier, c'est un petit peu comme tous les alcools. L'hydromel et le souchen, ça a le même goût. Non, le l'hydromel, c'est un goût un petit peu, c'est plus fleuri, je dirais. Parce qu'on en met dans les bières. Par contre, tu parles du souchen, il y a la fine de Bretagne qui est fait à base de prunes, qui est pas mauvais non plus. C'est l'équivalent de leur calvin. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, on est plus sur un alcool, sur un spiritueux. Ah oui. Ouais, carrément, le souchen, c'est pas un spiritueux, c'est un petit alcool. Il y a des whisky aussi en Bretagne. Ouais. Il y a des whisky bretons. Bon, je me doute. De toute façon, je crois que c'est la première région la plus alcoolisée de France. Hein. Bretagne. Ouais, hein. Je pense. C'est ça. Y a eu des records de taux d'alcoolémie là-bas. Hein. Ouais, en Bretagne, bien sûr. Alors, Scannon, si nous écoutons pas ça, là. Oui. Oui, alors Canon qui a dû partir pour des raisons personnelles que vous retrouverez donc la semaine prochaine, bien évidemment. Mmh. Et puis quelque part, ça nous rend un peu service, hein. C'est vrai. On va être honnête, puisque on est en très très bonne compagnie ce soir. On vous l'a annoncé tout à l'heure pendant le sommaire. Nous sommes avec alors une partie des candidates, certes, mais aussi la deuxième dauphine, mais surtout la présidente de Rondissima, Samantha, que vous connaissez bien évidemment. Bonsoir Samantha. Bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va bien. Alors, j'ai l'impression que toi, tu reviens de vacances, je sais pas pourquoi, mais... Non, je reviens du V. Ah ouais. Oups, Samantha, oups. Non, j'ai tellement de travail que j'ai pas eu le temps de partir en vacances. Ah, sérieux? J'ai cru que tu étais parti en vacances, en fait. Non, bah non. Ah, d'accord. Ah, donc t'as pris les couleurs... Ben, surnaturellement. Le peu de soleil qu'il y a ici déjà, et puis ouais, après, ben, je triche pour justement être jolie le jour de l'élection. Et ben, c'est réussi hein, quand même. C'est réussi. Donc Samantha, alors on vous la représente pas, mais elle était venue l'année dernière pour nous parler donc de l'association Andissima. Déjà, on va parler de l'association, un peu de la vocation de cette association. Alors l'association, ben, ça fait maintenant 5 ans qu'elle existe, donc c'est une association que j'ai créée par le biais de mon vécu personnel. J'ai toujours été une femme avec des rondeurs plus ou moins prononcées dans le courant de ma vie. J'ai eu des moments faciles, j'ai eu des moments très difficiles, voilà, et je me suis dit, y a peut-être des filles qui sont dans le même cas que moi et qui ont besoin de mon aide. Donc comme je suis quelqu'un qui vit pour les autres, je me suis dit pourquoi pas créer une association pour aider ces femmes qui sont peut-être pas forcément bien dans leur peau. Donc voilà, j'ai créé l'association avec une amie. Et puis, ça a été un petit peu difficile au début, parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde de venir dans une association en se disant je viens parce que je suis ronde. Donc déjà, c'est s'assumer, voilà, c'est se qualifier. Donc ça a été un petit peu difficile. Donc j'ai décidé de faire des gros événements et plus des petits événements. Et c'est vrai que grâce à ces gros événements, ça nous a amené du monde. Donc voilà, on a pu faire plus de choses. Et puis, moi qui aime la mode, la beauté, toutes ces femmes avec des jolies formes, je me suis dit pourquoi pas créer une élection. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est la deuxième année de l'élection de Miss Rondissima, donc qui va avoir lieu le 2 septembre. Donc au CSE à Waterloo. Au CSE de Waterloo. Alors, est-ce qu'il est utile de le rappeler ? Est-ce qu'il y a encore des places ? Alors, il reste très, très, très peu de place. Ouais. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter à me contacter. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de l'asso. Donc, c'est Asso Rondissima. Et donc, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous expliquerai un petit peu comment on peut faire pour avoir des places. Mais honnêtement, j'ai la chance de ne pas avoir fait de pub. Parce que, on est quasiment salle comble. Alors, en sachant qu'il y a plus de 400 personnes quand même dans la salle. Ça se passe au CSE de Waterloo. Donc, c'est le 2 septembre. Ouais. À partir de quelle heure ? Alors, on ouvre les portes à 19h et on essaiera de commencer à 20h pile. D'accord, ouais, ça c'est moins évident, c'est moins évident. Tu nous parleras évidemment juste après de comment ça se passe l'élection, parce qu'il y a tout un événement, c'est pas juste un défilé, il y a aussi du show derrière tout ça. Hein, je pense, oui, là cette année, Et dans y a tous du les show. Sens du terme, il y a du show. si, je le sais. Et avant d'en parler, parce qu'on en reparlera, puisque vous êtes avec nous pendant quasiment toute l'émission, on l'espère en tout cas, et puis on aura l'occasion aussi de laisser parler quelques-unes des candidates qui sont avec nous ce soir. On va laisser la parole, tiens, justement, à Ludivine, qui était venue l'année dernière. L'année dernière, elle était candidate. Et elle a été élue, donc, deuxième dauphine, donc 2016. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir. Alors, raconte-nous un peu l'expérience, donc élection Rondissima, comment ça se passe ? Alors déjà, pourquoi est-ce que tu t'es présentée ? Et puis, comment ça s'est passé ? Voilà, tout simplement. Alors en fait, je me suis présentée pour m'assumer, simplement. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui avait des formes, qui aimait la mode et tout, mais qui n'arrivait pas forcément à l'assumer devant les autres. Même si on m'a toujours vu avec de la confiance et c'est ce que j'allais dire. Je suis un peu étonné parce qu'effectivement, te connaissant un peu, il y a un moment où je me suis dit elle est complexée. Ah bon? Enfin, je me cachais derrière mon caractère assez joyeux. Bien sûr. Mais en fait, c'était pas du tout ça dans ma tête, quoi. Mais justement, l'élection, ça m'a aidée à m'assumer, à m'habiller autrement, à montrer que avec des formes, on peut aussi prendre soin de soi et être jolie, mettre des robes, tout ça, quoi. Et alors, et l'élection, ça s'est passé comment ? Parce que c'est quand même pas évident, parce que aujourd'hui, défiler, il faut quand même demander un certain courage, parce que c'est pas donné à tout le monde n'aime pas forcément la scène, se montrer, quel qu'il soit, de toute façon, c'est on veut dire. C'est très stressant. Ouais. Comment t'as surmonté tout ça, là ? En fait, j'ai été sur le Facebook de l'association l'année dernière et j'ai vu qu'il y avait une élection. Donc, j'ai proposé ma candidature. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, faut passer le pas, quoi. Donc, je l'ai fait et de là, Samantha m'a... Coaché ? Non, pas encore. Non, pas à ce moment-là, non. Pas coaché, non. En fait, il a fallu que je rencontre tout le monde et tout ça. Et au fur et à mesure de rencontrer le monde dans l'association, j'ai parlé avec tout le monde et j'ai... un peu pris les conseils de tout le monde. Ça m'a aidé beaucoup pour le défilé, puisque moi je suis quelqu'un de très... On ne dit pas timide, on ne croira pas. Bah quand je connais, non, je suis pas timide, mais quand je connais pas... mais il faut pas beaucoup de temps pour connaître. Ouais. Hein. C'est vrai que je discute facilement avec tout le monde, mais je veux dire, défiler devant une salle comble... Oui, c'est différent, carrément. Ouais. C'est, surtout que mon premier défilé, ça a été au salon Rondeur et Bien-être de l'année dernière. Ouais. Qu'on avait défilé pour justement présenter les candidates pour la première fois au public. Et là, c'est vrai que ça a été un stress total, quoi. Mais après l'avoir fait, je me suis sentie fière de moi et je me suis dit, ça y est, je l'ai fait, j'y suis arrivée, quoi. Ouais. Et donc, ça a été plus facile pour l'élection. Et d'autant plus que ça marche de mieux en mieux. L'année dernière, vous aviez combien de candidates? Alors, l'année dernière, elles étaient plus que cette année. Mais, ah, c'est vrai ouais, mais en vous fait, étiez déjà pas mal. Hein. Elles étaient 16 l'année dernière. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Donc là, cette année, elles sont 12, mais c'est un choix de notre part de prendre moins de personnes. D'accord. Voilà. Ah, déjà pour la durée du spectacle, parce que plus vous êtes, plus long c'est. Donc, déjà, voilà. Donc déjà. Et puis pour le choix aussi, parce que cette année, on a réduit, donc il n'y a plus 3 dauphines, mais 2 dauphines ouais. cette année. Mais on a rajouté un coup de cœur, un prix coup de cœur du comité. Et puis parce que la salle du CSE avec 16 filles pour les chorés, c'était un peu compliqué. Mmh. Donc du coup, on a dit 12 candidates, c'est très bien pour les chorés. Donc ça sous-entend qu'il y a eu une présélection. Il y a eu une présélection. Ouais, et donc tu as dû dire non, vous on vous prend pas là. Et ouais, j'ai dû dire ouais. Ah, c'est dur quand même. C'était dur, ouais, c'est dur. Ah ouais, carrément. Et alors question idiote, mais quels sont les critères de sélection alors finalement, parce que c'est pas évident. Alors on n'a pas forcément de critères, donc on a des 3 critères pour qu'elles puissent s'inscrire. Donc c'est simplement avoir plus de 18 ans. Mm-hmm. 18 ans. On va dire être disponible. Parce que même si après l'élection, forcément, il faut qu'elle soit disponible, mais avant aussi, parce qu'on fait beaucoup de choses pour pouvoir montrer qu'on existe, donc il faut être assez disponible. Et puis, il faut avoir des rondeurs, mais du minimum jusqu'au maximum. Mmh. On ne s'est pas fixé une taille de vêtements, tout simplement, parce que d'un corps à un autre, une taille 42, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, on ne s'est pas fixé du tout de taille de vêtements ou de poids. C'est juste avoir des rondeurs du minimum au maximum. Et je pense que sur les 12 candidates, on a vraiment un panel de femmes qui sont totalement différentes, avec des corps complètement différents. Et elles représentent toutes les femmes rondes. Voilà. Alors, en sachant que c'est ouvert, c'est pas une élection... alors, ça se passe à Waterloo, certes, mais ça concerne tous les gens de la région, quoi, finalement. Ah oui. Donc, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. D'ailleurs, derrière moi, il y en a une qui vient de... Si je me trompe pas... Saint-Omer. Laurine. Voilà, Laurine qui vient de Saint-Omer. Que vous entendrez tout à l'heure, évidemment. Voilà. Ouais. Ah, et ce soir, tu nous viens de Saint-Omer. J'espère que tu restes sur Waterloo, non? Ah non, carrément. Non. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, donc ça fait une petite heure pour revenir après. Ludivine, tu nous viens de Waterloo. Ouais. Après, il y en a d'autres. Alors, Saint-Omer, c'est déjà pas mal. Après, il y a... Il y a Mont-Saint-Barreul, je sais. Il y a Hénin-Beaumont aussi. Ah ouais, carrément. Mont-Saint-Barreul. Après Roubaix, après ça reste un petit peu dans la métropole, quoi. Mais voilà. D'accord, toi tu sais tout, toi. Non, c'est juste que je sais un peu lire sur les lèvres. Je vois les candidats derrière. Ok, de toute façon, on va en savoir un peu plus. Alors, je vous rappelle que ça a lieu donc le 2 septembre à partir donc de 19h, donc au CSE de Waterloo, le centre socio-éducatif de Waterloo. Le tarif. Alors, c'est 10 euros. Donc, on avait des places VIP à 15 euros, mais on n'en a plus depuis très, très longtemps. Tu m'étonnes. Voilà. Et c'est 5 euros pour les enfants de 5 à 12 ans. Ouais. Donc, juste un conseil, contactez-moi si vous voulez vraiment une place, parce que ce ne sera pas la peine de venir le jour J. Parce que si vous n'avez pas de ticket, c'est impossible de rentrer. Et voilà. Donc, page Facebook, Asso Rondissima. Et là, vous aurez toutes les informations. Ce que je vous propose, on va faire une petite coupure musicale. Je sais que Sherlock, il adore ça. Tu vas demander à Ludivine de faire une roulette song. Ah vas-y, ouais. En rappelant un peu le principe. Pas de problème, alors, la roulette song, en fait, je vais tourner la roue. En fait, j'ai toute la liste des chansons. Bon, c'est pas une roue, hein. Visualiser une roue, il n'y en a pas. Vas-y, je vais la remettre au début. Donc, je vais faire défiler. Tu me dis stop dès que tu le veux. Je tape sur mon écran et on va voir sur quelle chanson on va tomber. D'accord. Allez, c'est parti, je tourne. Stop. C'était quoi? DMC Commercial Collection. Blondie Heart of Glass. Ah bon? Ouais, t'as sauté un titre là. Mais non, pas du tout. C'était quoi? C'était un message d'erreur sur le PC? Non, c'est juste que j'ai pas classé par nom en fait. Ok. Donc il me donnait le truc complet. Samantha, à toi de jouer. Vas-y. Allez. Top. Dari Hall Man Eater. Oula, tu peux nous le fredonner? Non, je sais pas. Non, parce que j'étais parti sur Man Eater de c'est pas Katy Perry, c'est... C'est des titres des années 80 quand même, hein, donc... Nelly Furtado, voilà. Ah. Tu vois comme quoi j'arrive bien à lire sur les lèvres. Sur les lèvres, ouais, ça va. Donc, voilà. Bon, allez, on se fait cette petite coupure musicale. On se retrouve juste après, donc toujours avec l'association donc Rondissima. Si vous voulez nous balancer vos petits coms sur Facebook, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on vous envoie en MP par exemple des coordonnées de Samantha hein, pour les réservations, surtout n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais, en sachant qu'il reste très très peu de place. Donc le 2 septembre au CSE doit être l'eau. Allez, bah c'est parti. We'll be right back. Alors, pour les amis de RQC et particulièrement pour les amis de 80 à l'heure, je vous dis bonjour, je vous aime, restez sur cette chaîne, c'est génial! À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline, Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau Corbier. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans la région. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ça me manque, franchement. Ouais, ouais, mais il y a des chances qu'on puisse le retrouver dans un bar, dans un resto. Ah oui, parce qu'il fait beaucoup, hein, des restos, des bars et tout ça, et c'est plutôt sympa. Je le dis à chaque fois, je me répète, mais effectivement, vous connaissiez peut-être le Corbier de l'époque du Club Dorothée. Ouais. Il a changé, carrément. C'est des chansons à texte plutôt savoureuses, comme dirait notre ami Canon. On redécouvre quand même un vrai parolier quand même. Oui. Et puis il sait mettre de l'ambiance et il sait tenir une scène quand même, notre ami. C'est ce qu'il faisait à la base, hein. Ouais, il ouais, est revenu ouais. à ses premiers amours en fait. Absolument, hein. Absolument. Et rappelons au passage que c'est Alain Barrière qui l'a poussé. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui lui a trouvé son nom de Corbier. Oui. Voilà. C'est par rapport à un personnage, je ne je sais plus. Ah, j'ai demandé de son, c'est de où il a tiré son Je me demande si c'est pas une bestiole à la base, si c'est pas d'un oiseau ou le Corbier ou quelque chose comme ça. Enfin. Je l'avais su, mais je m'en souviens plus. Un mélange de corbeau et de... Ah, mais de morbier, je comprends. J'en sais rien. Je sais rien. Le gars qui s'est... Sur le coup, j'étais en train de... J'allais sortir un même connerie. Le gars qui sait pas et qui invente, tu vois. Ouais, ouais, c'est corbeau, morbier. Ouais, ouais, de toute façon, il y a personne qui va vérifier. C'est ça. Voilà. Bon, eh ben vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, bien évidemment. Alors, nous sommes avec, en compagnie vraiment de femmes très charmantes que vous aurez l'occasion de voir donc ce 2 septembre au CSE de Waterloo, puisque c'est l'élection, donc la deuxième édition quand même, de Miss Rondissima, donc au CSE à Waterloo. Pour l'occasion, bah, vous avez découvert tout à l'heure hein, la deuxième dauphine, Ludivine. Et là, donc, toujours en compagnie de Samantha, la présidente, évidemment, on va découvrir Océane. Océane qui est candidate. Bonsoir. Donc, bonsoir, c'est ça, je m'appelle bonsoir, Océane. Bonsoir, Océane. J'ai 18 ans. Ouais. Ah, la plus jeune, alors. C'est ça. D'accord. C'est donc, on commence par la plus jeune. Et en fait, moi, je voudrais faire passer un message à toutes celles qui ont mon âge pour dire qu'il ne faut pas se cacher derrière ces formes, même si on a 18 ans. On est des femmes, on doit s'assumer, on ne doit pas avoir peur du regard des autres. Et moi, je pense qu'il faut vivre la vie à pleines dents. Même si on nous délaisse, on nous fait du mal, bah, il faut vivre et s'assumer complètement. Si je peux me permettre quand même, on vous regarde, on n'a pas envie de vous faire du mal, enfin je sais pas, mais... ah, si au contraire, savez... hein, Sherlock. Ah, non, c'est clair. Tout à fait. Non, non, mais attends, non, retire-moi oui. cet air lubrique de ton visage, Flip 4, parce que je ne vois que ta mèche d'ici, mais je sais très bien comment tu es derrière, hein. Comment je suis derrière hein. Ah ouais, toi tu veux faire mal, mais c'est pas de cette manière-là. Attention, hein. Je peux même vous dire, hein, elles sont donc 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est dommage parce que bon, vous les verrez certainement en photo sur notre page Facebook. Mais alors, je vous lance un défi de donner leur âge. Ah oui. Parce que là, c'est un truc impressionnant. On en a même une et on terrera son âge quand même, qui a 40 ans. Elle ne les fait absolument pas, mais vraiment pas. Mais on dira. On terrera son âge, maintenant, mais tu viens de le dire. On dira pas son nom. Ouais, on dira son nom. Maintenant que tu viens de dire l'âge, maintenant on peut plus dire le nom. Non, bah non, je parlerai pas de Louisa, évidemment. Oui, d'autant plus que tout à l'heure, t'avais dit, elle ne fait pas son âge, je lui donnais plus, t'avais dit. Hein. Absolument pas. Ah non, carrément pas, hein, carrément pas. Tout comme Océane d'ailleurs. Par contre, Océane, on t'a donné un peu plus vieille. On t'a donné un 20 ans, je crois, 23 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais bon, quelque part, 18-23. Ouais, bah c'est vrai que quand on est jeune, on veut toujours se vieillir un petit peu. C'est après, vrai, c'est quand c'est on vrai. Prend de l'âge qu'on demande à être un peu plus jeune. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dis-nous, bon, effectivement, on a compris un peu tes motivations. C'est la première fois que tu te présentes ? Oui. Qu'est-ce qui t'a lancé comme ça ? Tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de te dire, allez, moi, je me lance et j'y vais, quoi ? Donc, depuis toute petite, je suis ronde. Ouais. J'ai fait un régime, j'ai perdu 15 kilos et je les ai repris. Ma marraine, c'est Ludivine, la deuxième dauphine. D'accord. Et grâce à elle, ben, je me suis découverte. J'ai pris confiance en moi. C'est mon modèle, c'est ma deuxième maman et grâce à elle, je suis là. C'est pour ça que je participe aussi. Samantha, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je la remercie beaucoup d'ailleurs. Non, je pleurerai pas. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je pense que l'association, elle fait partie vraiment de moi là. Et encore après l'élection. Et alors, dis-nous par rapport à l'élection, alors parce qu'effectivement, c'est pas juste une élection, hein, juste un défilé, il y a tout un show derrière. On peut avoir la primeur, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, des chorégraphies, des mises beaucoup en scène ? Des chorégraphies. Ouais. Il y aura quoi par exemple ? Ah, ça, c'est des surprises. Moi, je dévoile pas. revenir pour voir. Oh, non, il y a vraiment... Alors, par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup, beaucoup de chorégraphie. Donc, je ne sais pas si elle nous écoute de ses vacances, de sa Bretagne d'ailleurs. Notre coach et chorégraphe, Isabelle Gillon, qui est donc la chorégraphe des candidates, elle a vraiment mis la barre très, très haute. Mmh. Et moi, je leur tire déjà mon chapeau pour toutes les chorégraphies qu'elles ont apprises. Et vraiment, voilà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant chorégraphié cette année. Mais voilà, je sais que je peux compter sur elles, qu'elles vont nous donner un show extraordinaire. Alors, il y a plusieurs passages, évidemment. Alors, il y a quoi comme passage? Donc, on a un premier passage de présentation. Ouais. Donc, on est toutes sur scène, ainsi que les dauphines et la miss de l'année dernière. Mmh. Donc, après, c'est le premier tableau. Donc, c'est en tenue de ville avec la boutique Chopetit, notre partenaire. Ouais. Ensuite, c'est notre tenue chic à nous. Donc, ouais. C'est, on vous montre, en fait, qui on est vraiment. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Le jury et la salle vont nous voir sous tous nos côtés. Ouais. Et le dernier passage, le dernier tableau, c'est les robes de soirée. Et ça, c'est quelque chose de... Mais il n'y a pas de passage en lingerie. Je m'en doutais. Ah ouais, bah attends, forcément. Forcément. Il n'y a pas de passage en lingerie. Non, parce que moi, c'est... Voilà, c'est la chose que je ne veux pas. Et je pense pas qu'on ait besoin de voir des femmes dénudées pour pouvoir s'apercevoir de quelle femme elles sont. C'est pas dénudées, c'est de la lingerie. Bah, c'est quand même dénudé. C'est déjà pas facile de monter sur scène, mm-hmm. De se montrer, parce que je pense que c'est pas forcément parce qu'on a des rondeurs, mais je pense que pour toutes les femmes, je pense que c'est déjà pas évident. C'est sûr. Pour beaucoup d'entre elles, l'élection, c'est une thérapie. Donc si c'est pour leur donner un stress en plus de se montrer en maillot de bain ou en sous-vêtements, c'est pas la peine. Donc moi c'était vraiment... Si je peux me permettre, ça a été fait dans les défilés de mode quand même. Quand tu as fait ton défilé de mode, il y avait... Oui, mais là après c'est un défilé, c'est différent. C'est un défilé, on est là pour montrer les vêtements ou les sous-vêtements, on n'est pas là pour montrer la femme. Là, elles sont là pour se montrer elles. D'accord. Donc je pense que l'objet, il est complètement différent. Et d'où mon vœu, ben justement, de les faire défiler avec une tenue qui leur appartienne, pour qu'on voit un petit peu leur style, parce que là, c'est beaucoup de choses qui leur sont prêtées. Donc, elles ont choisi voilà, ce qui leur est prêté. Mais voilà, moi, je voulais vraiment qu'on voit ben, comment elles sont dans la vie de tous les jours. Elles ont des styles complètement différents. Et donc, voilà. D'accord. Et comment ça se passe dans les coulisses alors? Parce que donc vous êtes 12. Ouh là là là là là là. Est-ce que vous crêpez le chignon? On voudrait le savoir. Ouh là là là là là. Ah ouais, on veut tout savoir. Hein. Ben non, pas totalement. Ah ouais. pas totalement, ça veut dire que vous crêpez le chignon un peu. Bah ça reste des filles, hein. Je pense que voilà. Il y a quand même un peu de rivalité ou pas? Ben partout. Dans toutes les élections, même si on se le dit pas, on le ressent, c'est tout à fait normal. Mmh. Moi, je pense que n'importe quelle élection, je sais que Miss Waterloo, c'est exactement pareil. Ouais, voire même peut-être pire. Ah. Mais justement, tu fais bien d'en parler parce que c'est une question que j'avais envie de te poser, Samantha, parce que connaissant bien Miss Waterloo, et tu te connais bien, en tout cas, je parle de l'élection, hein, bien évidemment. Je connais bien aussi Miss Waterloo. Mais d'ailleurs, elle fera partie de notre jury, Miss Waterloo. Ah, d'accord. Donc Anaïs sera là. Donc Anaïs, qui est Miss Waterloo, donc 2016. Et d'ailleurs, qui va rendre aussi son écharpe très bientôt, hein, ouais, parce que c'est le mois de novembre. Mois de novembre. Connaissant très bien le comité de Miss Waterloo, comment tu expliques que Miss Rondissima, ça draine plus de monde en termes de candidates? Tu parles en termes de candidates. Hein. Comment tu peux l'expliquer ça? Ben, je voudrais pas leur faire de l'ombre, c'est un peu compliqué la question. Ah, mais non, elle est pas compliquée, c'est une réalité, parce qu'il faut être honnête. Hein. C'est vrai que on a l'impression, alors c'est peut-être parce que c'est nouveau. Alors Miss peut-être Rondissima, parce que c'est nouveau, peut-être parce que moi l'objectif, c'est pas forcément quelqu'un qui représente la beauté. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui représente une association. Ouais. Alors j'avais déjà dit ça l'année dernière, mais là je le dis encore plus parce que j'aimerais. Faire un petit peu monter ma petite vie perso, donc je vais peut-être avoir un petit peu moins de temps, donc je voudrais aussi quelqu'un qui puisse me déléguer dans des sorties dans des sorties officielles, donc voilà, je veux vraiment que ce soit quelqu'un qui soit présent et qui représente l'association aussi bien que moi. Alors ça va être compliqué, non je rigole. Mais voilà, peut-être que c'est ça, c'est peut-être, c'est pas juste une jolie fille. Après, peut-être que Rondissima représente peut-être plus les filles d'aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. les filles avec des rondeurs. Peut-être. J'en sais rien. Enfin, voilà. C'est, bah, c'est une question qui me met mal à l'aise parce que je veux pas. Je veux pas dénigrer le comité Miss Waterloo. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi. C'est peut-être que je peux me tromper, mais vous renouvelez un peu le genre. Parce que finalement, on va être honnête, des élections comme Miss Rondissima, ça court pas les rues. Non, il y en a d'autres, hein, mais il y en a, bien sûr, il y en a d'autres, mais ça court pas les rues. Non, c'est sûr. Et aujourd'hui, des Miss de communes, si ça court les rues, il y en a partout. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Il y a même des communes où ils ont deux élections dans la même commune, quoi. Donc, ouais, peut-être. Que et je pense ça. Que c'est ça aussi, ça se perd un peu. Et moi, je voudrais lancer un petit débat, et on en parle très souvent parce que. Moi, j'aime ne pas confondre la beauté et le charme, tu vois. Tout à fait. Et quelque part, moi, je préfère largement, et je pense à toi et aux autres candidates, évidemment, elles sont pleines de charme. Et ça, ça vaut toutes les beautés du monde, honnêtement, carrément. Sincèrement. Je le pense sincèrement. Voilà. Merci. Voilà. C'était ma phrase du soir. Toi, tu veux pécho ce soir. C'est ça. Je ne peux pas. D'ailleurs, au passage, je vais faire un gros bisou. L'autre, on va le croire là. Bah, oui, c'est dingue. Que moi j'ai dit à ma femme, n'écoute pas. On va le croire lui. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Océane un petit roulet de son, tiens. Vas-y. Allez. Allez, c'est parti. Top. Jean-Jacques Lafont, le géant de papier. Oula. Tu connais? Tu dois chanter. Oui, je la connais. Ah, tu peux la redonner, est-ce que tu peux la fredonner, tiens? Ah non. Tu sais pas chanter? Non, du tout. Ah, est-ce que tu peux la me-me-mer? Ouais. Non, mais ça fait très longtemps que je l'ai plus. Mais fredonner, ça veut pas dire forcément nous chanter les paroles. Hein. Ah oui, mais ça fait. Avant, j'allais dans un karaoké. Ah bah justement. Et du coup, je l'écoutais vraiment tous les week-ends. Eh bah vas-y, fredonne. Et ça fait 2-3 ans que je ne sais plus. Et en fait, donc je la connais plus du tout. Mais rien que le titre, ça me rappelle des bons souvenirs en fait. Ah, moi Sherlock, il va le fredonner. C'était le destin. Quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier. Devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Il chante bien, le bravo, très bien, bravo. Alors Jean-Jacques Lafont qui a écrit également « Viens boire un petit coup à la maison ». Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est le même. C'est ouais. pas du tout le même style, non, mais voilà, c'est la même personne. Et qui est aussi le frère de Sophie d'avant. Bon, et ben on va demander aussi à Samantha. Allez, donc allez, c'est parti. Stop. Prodonner aussi. Hein. Oh là. Allez. Alors, Kim Carnes avec Bette Davis Eyes. Ah ouais, alors oui. Ah ben, c'est impossible que je fasse quoi que ce soit là. Là, c'est Flip 4. Là, c'est Flip 4 qui va nous le. Bien sûr. Non, bah, tu peux, ça, tu peux quand même. Non. Hors de question. Avec sa voix rauque. D'ailleurs, une voix qui ressemble un peu à celle de Bonnie Tyler Aide-moi le chanteur là, irlandais là, évidemment. Rod Stewart. Rod Stewart. Oui, tu parlais de Kim Carnes, voyez. Oui, de Kim Carnes. Ouais. Oui, par moi. Je pensais sur quoi que faisait une allusion par rapport à ma voix aussi, j'allais dire. Non, pas ta voix de. Bon, alors il y a Michael qui nous écrit par rapport à Corbier tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui écoute et qui vérifie ce qu'on dit comme connerie. C'est bien. Hein. Et donc il nous dit que Alain Roux, qui est le vrai nom de Corbier, a pris son pseudonyme en hommage à François de Montcorbier, ce dernier poète du XVIe siècle étant plus connu sous le nom de François Villon, son œuvre la plus célèbre étant La Ballade des Pendus. D'accord. Et là, les douloureux souvenirs des cours de lettres au lycée me reviennent. D'accord. Bon, ok. D'accord. Bah écoute, merci pour cette précision, notre ami Mike. Michael. Je te dirais même que c'est quand même Alain Barrière qui a trouvé ce surnom. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, on va continuer en musique donc avec. Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques, hein, surtout. Oui, Jean-Jacques. Pas Patrice. Hein. et Kim Carnes. C'est bien ça. Oui, bon, allez, bah, c'est parti. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales, sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je

Vous êtes bien chez RQC dans l'émission 80 à l'heure. Tu rigoles, hein, ce bruit-là, ça passe beaucoup plus vite que 80 à l'heure, écoute. Dans l'émission 210 à l'heure. Vous n'êtes plus sur RQC dans l'émission 80 à l'heure. Vous y étiez. Les frères Taloche, évidemment. Qui, alors, je ne sais pas s'ils tournent encore avec leur pièce de théâtre Les Caves. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus dans le coin non plus. Par contre, effectivement, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a quand même la nouvelle saison donc de Fou Rire Garanti qui va se dérouler là dans les semaines à venir. Et il va y avoir les caves des frères Taloche. Ah bah voilà. Bah ouais, tu vois, comme quoi je lis bien l'info. Donc les caves des frères Taloche seront Marius Taquet. Alors là, à mon avis, il va falloir prendre le rendez-vous, c'est obligatoire. Mais je vous en parlerai dans le détail parce qu'il y a quand même une belle programmation et des artistes en devenir plutôt sympa. Et je vous en reparlerai. Donc c'est la 10e édition donc de Fou Rire Garanti. Mais je vous en parlerai juste après. Jennifer. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Jennifer qui est candidate donc à l'élection de Miss Rondissima qui aura lieu le 2 septembre à Waterloo, au CSE. Oui. Voilà. Tu as quel âge ? 29 ans. Ah, Dieu. Elle ne les fait pas non plus. Ah non, c'est dingue ça. Et d'ailleurs, je sais que ça se fait pas de demander l'âge à une femme. C'est vrai. Mais t'as répondu. Donc, c'est trop tard. Tant pis, trop tard. Alors, toi, tu te présentes donc à l'élection. C'est la première fois ? Alors, c'est pas la première fois que je fais une élection, mais pour Miss Rondissima, enfin pour la seconde Rondissima, oui. D'accord. Alors, tu nous as parlé hors antenne donc, d'une autre élection auquel tu as participé. Oui, oui. Alors, c'est Miss Naturelle, c'est ça ? Oui, Miss Naturelle qui promouvoit les cheveux afro, donc frisés, loxés, métissés. Mais il ne faut pas forcément être afro. Fin... Non, il faut surtout avoir les cheveux naturels. D'accord. Oui. Pas laver. Il vaut mieux quand même un peu les laver. Mais ouais. Parce que bon, vous la voyez pas, mais vous la verrez certainement sur Facebook. Mais Jennifer, elle a une tignasse d'enfer. On dirait Bonnie Tyler, mais avec des cheveux noirs. Oui. Non, mais sérieux, hein. Sérieux. En plus, elle est magnifique. Ouais, c'est gentil, merci. Et t'as gagné ? Non. Il n'y avait pas de dauphine ? Si, en fait, il y avait la Miss Naturelle et deux dauphines. Donc, mais elles sont très jolies. Donc, plus jolies que toi encore. Oui, bien sûr. Reste possible. Alors, tu vas participer donc à l'élection de Miss Rondissima. Oui. Évidemment, on n'en a pas parlé, mais alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner à la clé ? Il y a quelque chose ou Bon, il y a le titre, évidemment. Oui, il y a le titre, déjà, l'honneur de représenter cette association un peu dans toutes les festivités qu'on fera au long de l'année. Et puis, on a la chance d'avoir... cette année eu beaucoup de partenaires et donc elles auront beaucoup de cadeaux. Un peu comme vraiment. Comme Flipkat, ouais, c'est ça. Qui a eu aussi cette année beaucoup de partenaires. Ouais, c'est vrai. T'as l'air bien renseigné. Alors c'est pas le même genre de partenaire, mais. C'est pas sans savoir. Mais on peut avoir, je sais pas moi, un petit scoop sur des cadeaux, des choses comme ça. Non, je veux vraiment que ça soit la surprise pour elles. Parce que les candidates le savent pas non plus. Non, elles savent pas non plus parce qu'en fait on a fait appel à un professionnel de montage vidéo. Ouais. Donc il est en train justement de monter une vidéo avec tous les cadeaux des partenaires. Donc il y a des partenaires qui ont fait des vidéos, des partenaires qui ont fait des photos. Et donc ça va passer pendant la soirée, un montage vidéo avec tous les cadeaux. Ah, d'accord. Mmh. Voilà. D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure du fait que, alors, celles qui sont élues, mais aussi des candidates, participent à pas mal de manifestations. Je sais que vous faites le carnaval et c'est sympa d'ailleurs. Ouais. Vous avez un super char. Il y a d'autres manifestations, c'est lesquelles par exemple ? Il y a déjà là au mois de septembre, on a beaucoup de choses de prévues. Donc on a la Berlouf de Waterloo. Ah oui, c'est vrai. Deuxième week-end. Deuxième week-end de septembre. Ouais. Donc cette année, c'est avec grand plaisir que la Miss et ses dauphines défileront avec Miss Waterloo et ses dauphines, Monsieur le maire, les élus. Ouais. Voilà, on nous a proposé de participer. Donc c'est avec grand plaisir. Ouais. On aura également un stand à la Berlouf. Après, le 16 et 17, on organise à la Maison des Projets à Waterloo un défilé. C'est où la Maison des Projets ? Alors, c'est rue d'Alger, je pense, à Waterloo, rue d'Alger, rue d'Oran. Ah, c'est coincé entre Roubaix et Waterloo. Voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Donc, c'est pour les Journées du Patrimoine. Mmh. Donc, on m'a demandé d'organiser un défilé sur ces deux jours. Donc, elles participeront à ce défilé. C'est pas rassurant, ça, les Journées du Patrimoine, et vous faites un défilé. Parce que c'est l'association du textile de la Lainière. Voilà. Donc, non, je te taquine, ça moi, je me doute bien, je me doute bien. Ensuite, le week-end du 22, 23 et 24, ce sera le salon des curieuses, donc avec notre partenaire de la boutique Chopétiente qui organise un salon sur Aluin. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc, salle du manège, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bah oui, évidemment. Voilà. Donc bah, les filles, elles seront présentes aussi à cet événement. Ensuite, mois d'octobre, hein, il sera un petit peu plus calme, je pense, peut-être. Ah, parce que septembre, là, j'ai l'impression que tous les week-ends, ouais, vous y allez. Là, bon, septembre, ouais, y a plein de choses. Et puis novembre, bah, on repart avec toutes les élections de donc Miss Waterloo. Il y aura certainement Super Mec, Super Nana aussi. Tu feras partie du jury, j'imagine. Je ne sais pas. Si on me propose, je serai là. J'étais là l'année dernière, je serai là cette année. Michel et Denis, évidemment. Il y a aussi l'élection de Miss Picardie et nous, je pense aussi. Ouais. Ça doit être quelque chose comme ça. Mmh. Voilà. Donc, ben, encore un mois bien plein. Et puis, en mois de décembre, il y aura certainement aussi l'élection de Miss Plus Size Belgium. Miss quoi ? Plus Size Belgium. Donc, c'est Miss Ronde en Belgique, en fait. D'accord. Ça se passe où ? C'est sur Bruxelles, donc l'année dernière ils on sont était obligés allés, de dire plus size, c'est bizarre ça quand même. Enfin, bah, c'est parce qu'il y a plusieurs comités de femmes rondes et il ne faut pas qu'on ait les mêmes appellations. Quoi. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Mais bon, donc d'ailleurs, la Miss Plus Size de cette année fait partie du jury aussi également cette année chez nous. Ok. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc beaucoup de choses qui t'attendent, Jennifer. Peut-être. si, parce que d'ici. Oui, donc effectivement, hein, oui. Après l'élection. Oui. Eh oui, mais moi, tout ce que j'espère, c'est que ces 12 candidates, même après l'élection, elles sont encore parmi nous au sein de l'association. Ouais. Il n'y a pas que l'élection. Mais ils peuvent garder, dans ces cas-là, vous pouvez garder votre écharpe candidate Ben, malheureusement, non, je les récupère. Ah bah ouais. Bah voilà, ouais. C'est des écharpes qu'on a fait faire par une couturière de Waterloo, donc Daphmode. Ah, Daphné. Bon, voilà. La salue au passage, évidemment. Daphné qui a fait quelques émissions aussi. Ah bah voilà. Oui, avec son homme. Donc c'est elle qui a homme. Fait les écharpes des candidates, donc je les récupère. Oui, Daphmode, bien on sûr. Va les utiliser tous les ans. Évidemment. Et Jacques aussi. Jacques. Oula. D'accord, bah je ne connais pas. Ah d'accord. Sinon elle a pas un chien. Je connais. On va parler tout ça. Et Marcel, son voisin. Alors. Moi ce que je te propose, Jennifer, Samantha, ce que je vous propose, il est l'heure. Passer de 10 minutes. Ouais, c'est pas grave. C'est retrouver la chronique estivale de notre ami Sherlock. Ah oui. Donc, cet été, il a décidé de. Alors, il a pour coutume de faire la chronique Ciné-Rétro 80. Ouais. Pas Ciné-Rétro 80. Ciné-Rétro 80. Pour l'instant, on va pas dire qu'il est en vacances, mais il a voulu faire une petite chronique estivale. À toi de nous expliquer un peu le. Mais c'est ça. En fait, je me suis dit, je fais la chronique pendant toute l'année, et là, j'ai décidé de changer un petit peu. C'est les vacances, donc moi, je prends aussi des vacances, parce que chaque semaine, je regardais un film. Donc, au bout d'un moment. J'ai vu beaucoup de films que j'ai essayé de leur faire deviner. Là, je me suis dit, on va changer un petit peu. C'est les vacances, on va changer un peu de thème. Et donc, là, cette semaine, c'est tombé sur des chansons que j'ai bipées à un moment. Donc, c'est des courts extraits. Hein. C'est 30 secondes l'extrait. Dedans, il y a un bip. Je vais vous donner trois propositions. Forcément, il y en a deux de fausses et une de bonne. Et vous allez essayer de me retrouver la bonne. Tu sais quoi ? On va faire des équipes. Bah oui. Allez, on va faire une équipe... Flipkat et moi-même. Alors, et puis l'équipe Jennifer. Donc c'est tout des chansons en français, hein, vous inquiétez en pas. Plus. C'est que des chansons en français. En plus. Allez, on va faire l'équipe Miss et l'équipe Mister. Bah voilà. Allez, on y va. Non, l'équipe chevelue. C'est qui l'équipe chevelue ? Ah oui, c'est vous. Chevelue. Bah ouais. On va regarder tout bête, elle a l'air d'être chevelue. Bon alors, l'équipe chevelue et l'équipe des chauves. Tu parles pour toi là ? Bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment. Donc, allez, on va commencer. Attends, tu as oublié de préciser à l'issue l'équipe gagnante. Ah bah elle paye la tournée. Ah. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je ne dis rien moi. Tu te tais. D'accord. Allez, lancement de la chronique. Alors, c'est parti. Premier extrait, c'est celui-ci, écoutez bien. Sur cette terre de sécheresse, ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. De nos villes, de nos rues, l'Éthiopie meurt peu à peu. Rien qu'une chanson. fastoche. Alors, donc, trois propositions. Bah ouais, mais bon. Vas-y. Réponse A. Ouais. Loin du beurre et loin des œufs de nos villes, de nos banlieues. Ouais. Réponse B. Loin du cœur et loin des yeux de nos villes, de nos banlieues. Ou réponse C. Loin du porc et loin des bœufs de nos villes, de nos banlieues. Réponse B. Oui. Bah ouais, mais on va leur laisser, évidemment. Bah oui. Par courtoisie. Je vous rappelle que les gagnants nous payent une tournée. Alors. Ouais, elle était facile, celle-là. Hein. Oui, bon, c'est quand même assez simple. Et c'est toi qui a trouvé les réponses fausses ou pas? Oui. Ah, quel humour. T'as vu ça? Je me suis cassé la tête pour trouver des conneries. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, alors, on continue. Donc, deuxième extrait. Où je vous fais écouter peut-être le petit extrait normal. Ou vous le chantez, c'est comme vous voulez. J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter la question ou pas? Est-ce que je passe l'extrait sans le bip? Ouais. Ou est-ce que vous le chantez? Bon, je vais passer l'extrait sans le bip. Bah ouais, je crois que c'est simple. Non, on aime bien ton bip. Ouais, mais là, je vais pas le mettre. C'est là. Malgré tout, ah oui, nos richesses, leur soleil fait de l'ombre. Attention. Alors, donc, c'était Chanteurs sans frontières, ouais, qui chantait Éthiopie. Éthiopie. Et donc, c'était donc à l'initiative de... Petite pointure. Oui, parce qu'à côté, il y a les Carapies. J'allais sortir celle-là. C'était un petit 32-33. Voilà, et les Carapies, c'est plutôt 45. Il y a Jennifer et Samantha qui sont en train de se dire, mais ils parlent de quoi, là? Exactement. Tu te demandes quoi, non? Éthiopie. Ouais. Bah, c'est du 32-33. Ouais, il y a des Éthiopies. Il y a les Éthiopies, les Carapies. Ouais, y a c'est un du peu patois. Mais c'est du ch'ti deuxième langue. Hein, c'est... Voilà, okay. On a fait ch'ti deuxième langue. Oui, t'as pas fait ch'ti deuxième lui, langue. Lui, il y a des chopis voilà. Et lui, il y a des grimpis. Voilà. Bon, allez, deuxième extrait. Oui, c'est comme ça ici. Bon, deuxième extrait, c'est celui-ci. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui, moi tout seul. Alors, donc trois propositions. Ah ouais, là c'est... Donc, première proposition, je me sens mal et j'ai chaud, j'ai envie de vomir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Deuxième proposition, j'ai très mal et j'ai chaud. J'ai pas envie de rire, il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Ou, je suis mal dans ma peau, j'ai envie de partir, il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Le moi je dis c'est. Le C, tu crois? Oui. Eh ben on écoute ça alors. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau. J'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Oui, bonne réponse. Alors, c'était, ouais, c'était on l'accorde à qui? Et oui. Tu flirtes avec lui. Je veux vraiment qu'on paye. Hein. Non, on est courtois. C'est ouais, vous on est galant. Répondu, on a rien dit. Si, si, si, si. Attends, Jennifer a insisté en disant j'ai Jennifer, répondu en premier. Tais-toi maintenant. J'ai répondu. La courtoisie, elle a des limites quand même, hein, mon cher. Alors. Troisième extrait, écoutez bien. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. C'est l'amour. Vive ma tante, vive la Nouvelle-Zélande. Alors en même temps, c'est un peu chiant parce qu'on sait pas à quel moment tu l'as pris de la chanson, quoi. Bah oui. Mais ben, j'ai laissé quand même la phrase d'avant pour qu'on puisse replacer. Ah ouais, mais on sait pas si c'est le premier couplet, le deuxième ou le troisième, quoi, tu vois. Ah, parce que tu connais la chanson par cœur. Bah ouais. Ah, donc si tu connais la chanson par cœur avec la phrase d'avant, tu devrais retrouver. Ah bah je connais alors. Ah, voilà. Dis par où c'est la sortie donc... de secours. Non, c'était pas ça le. Ah bah donc tu vois, déjà c'est mal barré. Alors donc c'est réponse A. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. Même Germaine va planter sa petite graine, c'est l'amour. Réponse B. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. Même Lucienne va nous retirer sa gaine. C'est l'amour. Pour réponse C, qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est l'amour. Même Raymonde va nous parler de sa chienne. C'est l'amour. Bah c'est la A. C'est la A. Mais en fait, par déduction, t'es obligé de trouver Sherlock. Mais oui, je sais bien. Bah oui. Mais c'est bien. C'est la bien chronique vacances, tu vois. Allez, on s'écoute ça. Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? C'est la Pro. Mais Germaine va planter sa petite graine. C'est la Pro. Vive ma tante, vive la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'était bien ça, effectivement. Mais c'est aussi un peu le but, hein. J'ai fait ça pour qu'on se prenne pas trop la tête non plus. C'est la chronique vacances. Oh, c'est sympa, moi j'aime bien. Allez, donc quatrième extrait, on enchaîne tout de suite avec celui-ci. Sur les dunes du Sahara. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Bon, alors là, pour le coup, t'abuses. Hein. De quoi? Bah, elle dit deux mots, pip. C'est sur les dunes du Sahara. Ouais. Et ensuite, donc, il y a... Réponse A, du Cap Ferré au Titicaca, voyage-voyage. Ah. Du Mont Blanc à Addis Abeba, voyage-voyage. Ou des îles Fidji au Fujiyama, voyage-voyage. Ah bah c'est trois. Dernière. C'est la dernière? Moi je dirais que c'est la prends dernière. Prends le point, bah, allez, vas-y. Allez, non. C'était bien des îles Fidji au Fujiyama. Donc le point est pour les miss. Ah, c'est vraiment un miss. On est à la traîne, Flipkata. Ouais. On va être obligé de alors, voir. On continue sur notre lancée avec cet extrait. Écoutez bien. Matin pour aimer, maudit ou méprisé. Laissez tomber ou résister. Encore un matin. Alors, donc, trois propositions toujours. Il rit déjà sa connerie. Mais oui, parce que je l'ai fait avant les vacances. Mais vous le voyez pas, mais il va sortir une belle connerie. On le voit, son visage est tout content et un grand sourire. Là, c'est ça. Mais le truc, c'est que je l'ai fait avant les vacances et je relis en fait les conneries que j'ai fait. C'est du cidre à la poire qui... Oui, c'est ça. Il y a pas que de la poire, il y avait de la pomme aussi. Ouais, alors, donc, réponse A. Encore un matin à faire un petit prout. Matin foutu. Matin foutu, tu lâches une croûte. Donc après, c'est encore un matin du pire ou du mieux à éteindre ou mettre le feu, ça c'est toujours la deuxième phrase. Hein. Ouais. Alors, réponse B, encore un matin à partir en soute, mais il faut partir coûte que coûte. Ou alors, encore un matin qui cherche et qui doute, matin perdu, cherche une route. Bah, c'est le dernier, évidemment. Ouais. Ah oui, forcément, mais j'ai pas la verve. C'est de... forcément pas le prout. Non, il y a doute. Franchement, alors là... J'ai pas la verve de Jean-Jacques Goldman, désolé, je n'ai pas son style. J'essaye de faire... On a bien remarqué au passage. On écoute la réponse. Non mais t'as vraiment pas honte quoi. Bah non, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Voilà. Ouais. Bon, on continue. Ça va, c'est de pire en pire, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais Je garde le meilleur pour la fin, forcément. Ah, en plus. Ah, parce que ça s'appelle ça le meilleur. Oui, bah, alors, le meilleur du pire. J'imagine que quand il a rédigé ça, il était sur la plage en train de boire du cidre de poire, dans lequel époque de la poire. Ouais. Et il s'est pris un coup de. Non, mais il devait être sur la plage, tu sais, plage de Galets, là, et sa femme, elle passait à côté. Il n'y avait pas d'inspiration. Et sa femme est passée, elle a fait. Oh, tiens, pas mal. Ok, alors. Merci, ma chérie. Justement, j'avais pas de rime. Retourne-toi. Ah, croûte, c'est pas mal. C'est pas gentil. Là, ça n'engage que toi. Hein. Allez, on écoute le prochain extrait. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. Et sincèrement, je trouve que ça va bien dans la chanson le bip. Ah, c'est vrai? Ouais, il y aurait le bip, ça me passerait aussi bien. C'est peut-être parce que t'aimes pas Jeanne Masse, alors. Bof. D'accord. Alors, donc, trois propositions. A. Trop souvent, je n'ai pensé qu'à autre chose que faire la guerre. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. B. Trop longtemps, je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Ou C. Si longtemps, je n'ai rêvé qu'à une chose, c'est à mon père. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Est-ce qu'on prend plein d'amis? Alors, franchement, les trois, elles sont bien trouvées. Parce Pour une fois, et j'ai pas mis de vanne. C'était son moment poète. Est-ce qu'on prend plein d'amis? Alors, donc, les miss, vous me dites... La 2. Moi, la première. Et donc, les garçons, vous me dites la 1. Eh bien, on va écouter la réponse tout de suite. Écoutez. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. C'est les Miss. Voilà, c'est les Miss que vous trouvez, effectivement. Un point pour Miss. Mais c'est Louisa qui nous a donné la réponse, donc c'est Louisa qui va payer. Du coup, ouais. Ouais, payer le coup. Donc voilà. 4 pour les Miss et 1 pour l'équipe de Flip 4. Hein. Ouais. Alors, l'équipe de Flip 4. Bah ouais. C'est aussi la tienne, en parenthèse. Ah ouais, mais on est deux. Ah oui. Donc, on continue avec cet extrait-ci. Écoutez bien. Quand il me dit je t'aime, que j'arrive à le croire. Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Mais quand il rentre sous et qu'il devient méchant, énervant. C'est un voyou, un filou, mais voyou. Alors, tu disais quoi en rentrée? Ça rime avec ou, ça me fait peur. Donc, réponse A. Mais quand il rentre saoul et qu'il devient méchant, énervant, et qu'il m'accuse de tous les torts encore et encore, je ne suis pas d'accord. Réponse B. Mais quand il rentre saoul et qu'il devient méchant, énervant, et qu'il me dit que je pète trop fort encore et encore, je ne suis pas d'accord. Mais quand il rentre, réponse C. Mais quand il rentre saoul et qu'il devient méchant, énervant, et qu'il se croit le plus fort encore et encore, je ne suis pas d'accord. La troisième. Moi j'aurais dit la première. Alors. Pas d'accord. Non. Vous n'êtes pas d'accord. Alors. Donc là, il faut vous mettre d'accord, les miss. Vous prenez quelle. Louisa l'a dit la une, donc si alors, la une. Alors, ça, je paye, déjà voilà. D'emblée, pour nous, ce sera de l'EF. Donc, on va écouter la réponse tout de suite. Quand il me dit je t'aime, que j'arrive à le croire. Oui, je l'adore, oui, je l'adore. Mais quand il rentre sous et qu'il devient méchant, énervant, et qu'il m'accuse de tous les torts. Eh oui, effectivement, donc c'est les Miss qui ont trouvé la réponse. Donc, hein. 5 à 1. Ah, dis donc, on est mal, hein. Oh là là. Là, c'est spécial pour toi, tu peux trouver. Ah, Thierry Pastor. Pas du tout. Ah, d'accord. Allez, on écoute. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché, menu. J'ai tout brûlé, le beau tapis. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau, le résultat. Je fais rien que des bêtises. Alors donc, trois propositions. Réponse A. J'ai tout brûlé le beau tapis, marqué au fer rouge tes habits, tout appelé le bottin de Paris et mis le feu à la penderie. Réponse B. J'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout cassé le monopoly, tout arraché tes beaux habits et mis le feu à la penderie. Ou réponse C, j'ai tout brûlé le beau tapis, j'ai tout scié les pieds du lit, tout décousu tes beaux habits et mis le feu à la penderie. La 3. La dernière. Ah là, vous n'avez même pas eu le temps de répondre. Hein, donc, Si, j'allais répondre la 3, mais j'étais médusé par Jennifer et voilà. Donc, eh ben, on écoute tout de suite si c'est la bonne réponse. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. J'ai tout brûlé, le beau tapis. J'ai tout scié, les pieds du lit. Tout décousu, tes beaux habits. Et mis le feu à la penderie. Fallait c'est pas une bonne réponse. Bravo, Émilie. Alors, juste un truc pour qu'on gagne du temps, Véro, tu peux peut-être retourner derrière le bar, là. Tu peux peut-être faire le tour de la table pour prendre la commande. Donc, je mets la note, Stéphane. On passe à l'avant-dernière chanson à retrouver, ouais. C'est celle-ci. Sur le parking des anges, dans la lumière étrange, sur le parking des anges, deux anges petits jours, on fait l'amour. Sur le parking des anges. Alors, sur le parking, ah. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, sur le parking des anges. Mais... plus rien ne les arrange. Donc, alors, première proposition, attendez. Première proposition, sur le parking des anges, les morpions les démangent quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Réponse B. Canon sort de ce corps. Sur le parking des anges. Plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Ou réponse C, sur le parking des anges, la clarté les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Ah, c'est le B. Hein. La deuxième. Ouais. C'est ouais. Le B ouais. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Sur le parking des anges, deux anges petits jours, on fait l'amour sur le parking des anges. C'est vrai. Ouais. Ce que tu disais en fait, c'est vrai. Marrant quoi. Oui, t'imagines, qu'il ait fait la vraie version. Vraiment, il y a les morpions qui me démangent. Oh. Et donc, eh ben c'est le point pour le Miss. Oui, bah, bien sûr. Et dernière chanson spéciale pour Flip 4. Et ben je compte dire. Bah, ouais, on va peut-être mettre le point tout de suite pour le Miss. On va écouter d'abord. Allez. Oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le Big Bop Chuck the Rock. Alors, donc, vous aurez reconnu donc le Brian groupe... Setzer qui chantait en français. Le groupe Les Forbans avec Lève ton fût de là. Et donc, trois propositions avec Oh oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bebop jungle rock. Retire ta jambe de bois, oui, viens, danse avec moi, c'est le bebop jungle rock. Réponse B. Oh oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bebop jungle rock. Amène papy, mamie, venez tous avec moi, c'est le bebop jungle rock. Ou réponse C. Oh oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bebop jungle rock. Ne fais pas ton timide, déhanche-toi avec moi, c'est le bebop jungle rock. C'est vraiment compliqué. Hein. Alors. Bah, c'est la C, évidemment. C'est la C. Ouais. Eh ben, on écoute. Oh oui, ne reste pas assis, écoute la musique, c'est le bebop jungle rock. Retire ta jambe de bois, oui, viens, danse avec moi, c'est le bebop jungle rock. Tu m'as mal à l'aise, oublie un peu ta chaise, c'est le bebop jungle rock. Et ben là, vous avez fait un tollé. Parce que c'était la première. Et ouais. Ah, comme quoi, c'est pas moi qui avais écrit la connerie. Là. Bon, bah on a perdu, mais bon, bah, du coup, on offre le point au Miss. Allez, on va offrir le point au Miss. Donc ça fait 8 pour les Miss. Et puis, bah, un pour l'équipe de Flip 4. Bah non, ça moi va. J'ai trouvé mieux. Je pense que nous, les filles, on va vous payer un coup aux garçons et les garçons, vous payez un coup aux filles. Ah bah ça marche. Ouais, mais comme on est plus que vous, il n'y a pas de souci. Trop tard, vous avez dit ça marche. Trop tard. Merde. Voilà. Eh ben écoute, merci. Ça vous a parlé ces titres-là? Alors Jennifer, vu ton âge, peut-être que moi. Quelques titres. C'est vrai que je ne suis pas trop fan des années 80. Ah. Bon, il y a quand même des titres des années 80 qui t'ont marqué ou qui te marquent encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Comme quoi, par exemple? La question qui tue. Eh ouais, les artistes. Régine. Non. Il y a encore. Pourquoi Régine? Je pense que ça dit. C'est pas les 80, Régine. Ouais, 1880. Ouais, 1880. Ah, c'est peut-être ça, là. Par exemple, Bad de Michael Jackson. Ouais. Ah, je pense que c'est années 90, ça, non? Non, années 80. Ah ouais, d'accord. C'est 85, il me semble. D'accord. Un autre titre que je dois proposer? Ouais, bah t'as jusque 22h30. Donc 87, Michael Jackson. Oui, c'est mon année de naissance, c'est pour ça. Ah, d'accord. Voilà. Et toi, Samantha? Années 80? Bonnie Tyler. Ah oui, Total Eclipse of the Heart, t'imagines. Ouais. D'ailleurs, qu'elle a chanté durant l'éclipse solaire qui a eu lieu donc aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Donc elle a fait un bel événement. 10 minutes. Et pendant l'éclipse solaire, elle a chanté la chanson. Et il paraît que c'est merveilleux, quoi. Il y avait l'éclipse en même temps, donc. D'accord. Ça devait être sympa. Et à ce qui paraît, on la voyait de la Bretagne. J'étais reparti déjà. Donc, De quoi, l'éclipse solaire? Ouais. Ah bon? Oui. De la pointe bretonne, on pouvait la voir. D'accord. Bon, c'est vrai que Bretagne, New York, ça deux pas, quoi. C'est ça. Non, non, mais on voyait une éclipse partielle en Bretagne, mais on voyait une éclipse quand même. Non, non, mais à mon avis, c'est le soleil qui était caché par les nuages. C'est juste que ça, en Bretagne. Ouais. Ça doit être ça. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite coupure musicale. Oui, bah alors justement, avec Michael Jackson et Bad, et Bonnie Tyler et Total Eclipse of the Heart. Ah bah, c'est bien. Et, bah, et on en profite d'ailleurs, parce que effectivement, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais pour les candidates à l'élection de Miss Rondissima, c'est de leur souhaiter bonne chance quand même. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Donc, Jennifer et puis Océane qui se présentent. Je rappelle, donc le 2 septembre, donc au CSE de Waterloo, à partir de 19h. Plus d'infos, évidemment, sur la page Facebook Asso Rondissima. Faites vite, il reste plus beaucoup de place. Donc précipitez-vous. Et puis bah, nous, on relaiera aussi l'info, bien évidemment. Donc on se sépare le temps d'une pause musicale avec donc Michael Jackson and Bonnie Tyler. Yeah. Allez, c'est parti. Nothing, just a way to I get now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your Turn eyes. Around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Et oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, c'est l'émission 80 à l'heure. Alors là, bon, c'est un petit peu la chaleur dans les studios avec toutes les jeunes demoiselles qu'on reçoit. Oui, je sais pas, Harry était au bar apparemment, forcément, il en a profité vu que c'était la tournée des Miss. Voilà. Absolument pas, j'étais en train de discuter parce que le monde est très petit. Et je discutais avec quelques-unes des candidates qui me disaient qu'effectivement on connaissait des gens en commun, voilà, tout simplement. Et, d'accord. Ah bon, toi t'es la nièce de machin, t'es machin, enfin bref. Donc voilà, ouais, donc. T'es la nièce de machin, toi ? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà tout oublié. Bon, eh ben oui, effectivement, vous l'avez compris, hein, nous sommes en très très bonne compagnie avec, alors, quelques-unes des candidates, bien sûr les 12 ne sont pas avec nous ce soir, mais quelques-unes des candidates, on a eu la deuxième dauphine aussi également, donc de oui. l'élection Miss Rondissima. Rappelons que c'est Allison cette année, hein, qui est... Non, c'est pas Allison, je comprends. Allison, c'est la première. C'est Kimberley. C'est Kimberley, la Miss. Kimberley, d'accord. Mm. Kimberley, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, puisqu'effectivement, elle a des... Elle est en vacances. Ah, bah, c'est pas une excuse, ça. Ah bah... C'est-à-dire que moi, j'ai dit pour des raisons professionnelles, tu parles. Ah ouais. Elle est en vacances, ok. Bah, non, mais bien sûr, évidemment, elle a bien raison. Et donc là, tu sais quoi, Samantha, tu vas nous présenter la candidate qui est avec nous. Qu'est-ce que tu dirais de cette candidate, justement? Alors, c'est une candidate qui nous vient quand même de loin. C'est celle qui vient de Saint-Omer. Ah ouais, voilà. Saint-Omer. Oui. Tu parles comme ça, alors? Ah non, pas du tout. Elle vient de l'Audomarois. L'Audomarois, c'est beau. Ah ouais, en plus, c'est beau par là. Vraiment. Oui, ça va. Et tu rentres chez toi en barque? Non. Non. Non, mais il y a beaucoup de trucs comme ça là-bas, hein, ouais, où il y a ça. Des maisons qui sont sur des îlots. C'est ça, là, actuellement. Donc, il y a la maison du Marais qui est ouverte depuis un an et demi. Ouais. Donc, qui propose plusieurs activités. Donc, d'ailleurs, une balade en barque. Ouais. Donc, ensuite, tout ce qui est produits locaux de Saint-Omer, l'Audomarois, ainsi que toutes les villes à côté. Donc, si vous avez l'occasion de passer sur Saint-Omer, eh ben, écoutez... Mais Laurine, tu nous invites. Voilà. Tu travailles dans le tourisme. Touristique. Et tu travailles dans l'office de tourisme, alors? Pas du tout. Ah non, mais tu vends ta région, alors un truc de fou, quoi. Moi, je suis ancienne commerciale, pardon, donc... Ah d'accord. Peu, voilà. Pourquoi ancienne? Ancienne dans par rapport à l'âge ou... Non, du tout. Bon, j'ai fait 4 métiers différents. Ouais. Ah, lesquels? Alors, tout d'abord, j'étais coiffeuse, de base. Ah ouais? Oui. Et ensuite, donc, je suis partie dans la vente, donc, ouais. En tant que commerciale, donc, dans les grossistes de coiffure, donc je suis restée à peu près dans la même branche. T'as vendu des fers à friser, oui. Des délisseurs, voilà. Comment ça s'appelle le GHD là? GHD, non. Oui. Ah, GHD, ta vie, je m'y connais. Hein. Enfin là, c'est plus trop, enfin c'est encore à la mode, mais... Bon d'accord, bah excuse-moi, ouais. Il y a encore des technologies qui sont sorties et ça n'arrête pas. Il y a la bougie, ça marche pas mal. Après? Donc ensuite, donc je suis partie dans l'animation, donc j'étais animatrice donc dans des SAJ sur Arc, que je leur passe un petit coucou d'ailleurs. Animatrice dans quoi? Alors donc je m'occupais des enfants, donc ça allait, oui, dans les écoles maternelles, et ensuite donc ça a commencé à l'âge de à peu près 3-4 ans jusqu'aux ados. Donc, c'est chaud, ça, quand même. Ouais, c'est, on va dire que il y a des très bons moments, mais parfois c'est vrai que on a quand même beaucoup de responsabilités quand les parents nous confient leur enfant. C'est vrai que faut faire très attention, mais c'est un super, c'est un super métier, quoi. C'est vrai que... T'as toi-même des enfants ou pas? Non, du tout. D'accord, ok. Bon, ça va, t'es encore un peu jeune. Oui. Okay. Et quatrième métier? Alors, le quatrième, donc, c'est assistante de manager. Donc, j'ai passé mon BTS assistant manager. Mmh. Donc, dans le lycée Lipso à Saint-Omer. Ouais. Il y a des lycées là-bas? Bien sûr. Beaucoup, beaucoup. Des très bons lycées. Bien sûr, je plaisante, bien sûr. Il y a de bonnes bières aussi à Saint-Omer. Aussi, oui, on a la brasserie au Démarroise. Il y a la coupole aussi à Saint-Omer. Hein. Oui, à Wizerne. D'ailleurs, ah, il paraît que c'est bien ça, d'ailleurs. Oui, à visiter. Ouais. Pardon, excuse-moi. Donc, assistante manager, évidemment. Voilà, c'est ça. Et pour qui, alors? Là, mon contrat est terminé, donc je suis en recherche d'emploi. Donc, toujours dans le métier d'assistante manager? Voilà, c'est ça, oui. Ok. Bah, si tu souhaites être assistante manager à la radio, surtout, n'hésite pas. Par contre, la seule différence, c'est que c'est toi qui nous payes. Ah, là Voilà, mais ça coûte pas trop cher. Non, ça va. C'est quelques bières par semaine. Ça va. Ok, alors donc toi, tu te présentes à l'élection de Miss Rondissima, c'est la première fois? Alors, dans une élection Rondissima, oui. D'accord, c'est-à-dire que tu en as fait d'autres auparavant? Exactement, oui. Tu as fait quoi? Alors, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Miss Saint-Omer, Miss Waterloo. Miss Waterloo? Non, je dis des bêtises. Ah non, je serais tellement reconnu, je suis depuis. je suis tellement sur Waterloo maintenant que. Non, j'ai fait Miss Watt. Miss quoi? Miss Watt, donc c'est une ville sur Saint-Omer. Watt? Oui, ça crée Watton. Un sacré fourri. Tu sais, c'est ce qui va être coton. C'est ça, ouais, coton. Et t'écris ça comment, Watt? W-A-T-T-E-N? C'est ça. Oui. C'est là où il y a le blocus des Perlecs, d'ailleurs. Et ça s'appelle, et on dit Watt. Mais ça se dit Watt. Voilà. Ah d'accord, oui. Ok. Et ensuite, j'ai également fait donc, des élections donc, pour des enfants malades. Donc ma petite princesse Zaya, que j'embrasse très fort, que je pense très, très fort à elle, et aussi à ses parents, et ensuite des petites élections, Miss Noël, le Miss Ange, voilà, des Miss Ange, tiens, dis donc. J'ai un Miss doute, Ange de la télé-réalité ou... Miss Ange à Marseille. Okay. Mais je suis en train de me dire, c'est des Corses en fait qui vivent dans le Domarois, parce que ils disent pas Watton, ils disent Watt. En Corse, ils disent pas Porto Vecchio, ils disent Porto Vec. Tu dis, il doit y avoir des Corses en fait qui ont émigré ou l'inverse. Bah, peut-être d'origine corse. Du tout. T'es de quelle origine? Algérienne et espagnole. Ah ouais, tu tiens vachement de l'espagnol déjà. Oui. Ouais, non, carrément. Elle est typée espagnole, je trouve. Ouais. Tu peux nous faire un peu de flamenco, là? Si vous voulez. Bon, je suis plus Bollywood, mais... Ah, Bollywood. Oui. Ah, c'est sympa, ça. Et alors... Oh. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de Bollywood pendant l'élection? Non. Pendant l'élection, non. Bon, est-ce qu'on peut... Si est-ce que tu peux... Ça reste entre nous, si tu veux bien, Laurine. Juste entre toi et moi. D'accord. Vous écoutez pas. Et mon Dieu. Voilà, je voudrais juste savoir. Oui. Quel type de chorégraphie vous allez faire, par exemple? Il n'y a pas de chorégraphie olé olé, si c'est ça que tu veux savoir. Mais non. Pas du tout. Pourquoi olé olé? Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as raison, olé olé, des... Bah olé olé, c'est les chorégraphies espagnoles. Voilà, c'est ça. Ah non, mais pas du tout. Parce non, que nous, on aimerait savoir, est-ce qu'il va y avoir des... Parce qu'il y a des danses à thème, évidemment. Non, il n'y a pas forcément de thème. C'est des musiques tendance actuelle. Ouais. Et de la chorégraphie qui paraissait simple pour notre chorégraphe, mais qui était assez compliquée quand même pour les candidates. Mais non, il n'y a pas de thème. Alors, il y a des petites surprises, mais je vais pas tout dévoiler. Voilà. Mais il y a des surprises. Voilà. Elle est dure. Et alors, dis-moi, Laurine, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'élection? Alors, parce que, imaginons demain, et c'est tout le bonheur qu'on te souhaite, et d'ailleurs, on le souhaite à toutes les candidates, tu es élue, donc Miss Rondissima. Mmh. Qu'est-ce qui va te plaire, donc, dans le fait de devenir Miss Rondissima? Ben déjà, c'est une fierté, parce que, étant donné que je suis de Saint-Omer, c'est vrai que c'est une découverte pour moi, pour cette ville. Et aussi. C'est une aventure humaine, extraordinaire, quoi. C'est, je dirais, comme un cadeau. C'est D'accord. vrai que... Non, c'est beau. Ouais. Tu connais vraiment Samantha? Ah non, du tout. Non, c'est pour ça que tu dis que c'est vraiment un cadeau. Non, mais c'est vrai que c'est une aventure... Faut la vivre, en fait. Faut vraiment la vivre pour pouvoir ressentir... Enfin, c'est tellement d'émotions... Voilà, ça promet le 2. J'imagine. Mais ça va pas être un peu compliqué pour toi parce que tu nous viens de Saint-Omer quand même. Donc, au niveau logistique, ça va être chaud. Hein, oui, vu en plus la programmation des sorties, genre de choses et les représentations. Étant donné que j'ai un BTS assistant manager, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir que tu viennes t'installer sur Waterloo. Pourquoi pas? Bah, tiens. Justement, comment t'as connu le. Alors en fait, je connaissais pas du tout. C'est ma maman qui connaissait en fait une partenaire de l'élection, enfin de l'association. Et en fait, il y a 3 ans, il m'est arrivé un mauvais passage dans ma vie. Et... T'as rencontré Flipkat? Non. non, du tout. Et en fait, suite à cet événement, j'ai eu beaucoup du mal à m'accepter. Donc ma maman en fait elle m'a inscrite donc à cette élection et puis j'ai été sélectionnée et puis je suis arrivée j'en suis là. Ah oui, donc c'est pas de toi à la base en non, fait. Non, du tout. D'accord. Du tout, ouais. Bah écoute, c'est une belle aventure. Okay, bah c'est un heureux hasard, quoi. C'est bien. Voilà. Bien sûr, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Est-ce que tu aimes l'humour, Laurine? Oui, beaucoup. D'accord. Alors, tu peux être servi. Alors, même si tu es de Saint-Omer, nous, on suit régulièrement donc Laurent Arduin. Oui. Laurent Arduin qui fait beaucoup parler de lui dans la région et sur Moucron, puisqu'il organise maintenant, en fait, je découvre que c'est la 10e édition. Donc tous les ans, il fait venir donc des humoristes sur Moucron et pas n'importe qui, vraiment. Et donc la 10e édition là est lancée. Donc alors j'ai pas toutes les dates, ça va être un peu compliqué. Je sais que ça va démarrer dans les semaines à venir, mais en tout cas vous pouvez aller à l'information si vous tapez fou rire garanti donc au pluriel. Et il va y avoir quand même, moi j'ai la programmation sous les yeux, assez sympa, notamment un des humoristes qu'on avait reçu d'ailleurs en interview, Christophe Lévesque, qui nous revient. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Christophe Alévèque, qu'on avait pu voir dans l'émission Rien à cirer, ouais, entre avec, autres, avec Ruquier, Laurent Ruquier. Ça. Voilà, absolument. Et à l'époque, c'est quand il avait fait son spectacle, je crois que c'était Debout. Voilà, ça s'appelait Debout. Et un spectacle vraiment une belle surprise. Donc il revient sur Moucron, au centre Marius Taquet. Il y a aussi, alors, Guillaume Batz, ça vous parle? Ah oui, j'adore! Ah ouais, c'est terrible. Est-ce que ce tu connais Guillaume Batz? Non. Alors c'est un humoriste qui a la maladie des os de verre. C'est ça. On l'a vu aussi dans une émission de Ruquier qui était On ne demande qu'à en rire. Oui, c'est ça. C'est celui qui jouait le rôle de l'handicapé, qui faisait ses... Mais il est handicapé d'ailleurs. Bah oui, forcément, vu qu'il a la maladie des os de verre. Oui, ouais. Il le dit même dans son spectacle, les gens pensent qu'il porte à droite, mais en fait non, pas du tout. Quoi? Il porte à droite? Et qu'il est du côté des Républicains, mais pas du tout. C'est pas parce qu'il penche à droite qu'il est de droite. Mais lui, c'est enfin, moi j'ai quelques sketchs, c'est vrai que ça peut être vachement sympa. Franchement, j'adore. Et évidemment, il y a les frères Taloche qu'on suit régulièrement, donc avec leur pièce de théâtre Les Caves. Alors, il y a aussi Monsieur Fraise, alors je connais pas du tout. Oh. Il était aussi dans l'émission de Ruquier. Ouais. On ne demande qu'à en rire. Il te fait un sketch de 3 minutes sans dire un seul mot. En gros, il reste là en plein milieu de la scène et les gens rigolent. J'ai trouvé. Enfin, le premier sketch que j'ai vu, les gens ont rigolé comme ça. J'ai dit ok, mais sinon il n'y a pas de sketch quoi. Mmh. Il est revenu une deuxième fois, une troisième fois. Il refaisait la même chose. Je me suis dit bon bah. Pendant tout le spectacle, s'il fait un spectacle complet comme ça, ça va être compliqué quoi. Ouais. Que rigoler pendant une heure et demie de lui sans qu'il dise un mot, c'est compliqué. Écoutez, je connais pas, mais en tout cas, après il y a Mesrahi, Raphaël Mesrahi aussi, également avec un spectacle qui s'appelle Ma grand-mère vous adore. Ouais. Donc, ça peut être sympa. Je connais moins bien Cody. Toi, tu connais peut-être, non? Cody, non, ça me dit rien. Bon, un petit black qui m'a l'air sympa avec un spectacle qui s'intitule À vendre. Et il y aura Jarry. Alors oui, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, donc il y aura aussi Jarry avec son spectacle atypique. Je l'ai vu. Donc vous avez... Oui, il est bien. Je l'ai vu, c'est pas mal, ouais. D'accord. C'est un peu folle que j'aime c'est pas ça, trop. C'est ça, ouais, il faut adhérer à ce côté-là, quoi. Ouais, c'est ça qui me déplaît un peu chez lui, mais en tout cas, belle programmation. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez sur la page Facebook, hein, Fou Rire Garanti. Faites vite parce que ça marche très très bien. D'ailleurs, en rapport toujours avec Fou Rire Garanti, vous avez vu un peu Fabien. Fabien Le Castel. Fabien Le Castel qui est actuellement en train de faire une tournée donc, en Polynésie, quoi. Ah oui, rien que ça, ouais, carrément. Fabien Le Castel qui avait, n'ayons pas peur de le dire, démarré ici il y a quelques années, où je me rappellerai toujours, il disait « Ah, j'ai envie de faire un petit spectacle d'imitation », et on l'avait même aidé techniquement pour faire son spectacle d'imitation, et aujourd'hui on le voit partout, il fait des tournées partout. C'est vrai, même dans d'autres radios, beaucoup plus écoutées que nous. Ah, bien sûr, ouais, bon, Vivacité, évidemment, on peut le dire, ouais, hein, non, entre autres. Énergie en France, hein, il est passé chez Énergie, ouais, chez Guillaume Play. Ouais. Où il a fait un vrai carton. Ah bah, il quoi, est même passé avec Cyril Hanouna d'ailleurs. Oui, ouais, exact. Ouais. Touche pas à mon poste. Donc voilà. Donc bon, j'imagine qu'il nous écoute pas évidemment, Fabien, mais puisqu'il a d'autres choses à faire. Bah, moi, j'imagine qu'il nous écoute quand même quoi. Ah, il est en Polynésie, il est à Tahiti là actuellement. Ah, il est oui, à Tahiti. Ah, ouais. Tahiti. Donc pour faire une tournée de son spectacle qui est Ma boule à facettes. Donc voilà. Donc Ma boule en Assembourg et à facettes. Voilà. Donc on le salue au passage. Est-ce que je peux dire un petit truc parce que je suis impardonnable? Bah non, tout à l'heure quand on a parlé du programme du mois de septembre, j'ai oublié une association qui est partenaire aussi de l'élection, qui est l'association Élève ta voix sur Waterloo. Ah, avec Philippe, évidemment. Voilà. Ouais. Et donc d'ailleurs, ils vont s'occuper de l'animation de l'élection. Et donc ils font un concert spectacle le 17 septembre. Donc je savais que j'avais oublié une date. Voilà. Ouais. Donc je m'en excuse. Donc ils font le concert d'Élève ta voix le 17 septembre au CSE de Waterloo. D'accord. Voilà. Ah, donc, ouais, on y sera aussi. Alors si ma mémoire est bonne, il y a Steven bien évidemment. Voilà, Steven qui est donc qui est notre présentateur, notre petit chouchou. Ah voilà, on peut le dire aussi, présentateur, chanteur et donc dans le comité Élève ta voix. Voilà. Et Élève ta voix qui est une belle petite troupe d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Philippe qui est exceptionnel. Qui fera partie du jury, Philippe. Voilà, bah évidemment. qui est assez exceptionnel et c'est un bon petit groupe vraiment, qui s'est poussé la chansonnette. Carrément. Et mettre ouais. de l'ambiance. Parce que honnêtement, quand ils sont venus, je ne sais plus dans quelle soirée d'ailleurs, mais dans une des soirées, ils ont mis le feu avec leur petit groupe et c'est vachement sympa. Donc, ils ont du talent et dans toute la simplicité qu'ils sont. Absolument. Vraiment, absolument. Et très puis, grand il y a des chanteurs qui sont assaut. Voilà. disons-le, tel qu'il est. Hein. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, Laurine, on te souhaite bonne chance. Reste avec nous, puisque maintenant, c'est la chronique de notre ami donc, Flipkat. Avec, tu vas nous parler donc, d'un événement malheureusement triste. Oui, non, hein, bon, c'est arrivé il y a 40 ans quand même. Hein. Oui. Bah, c'est triste quand même. Mais, oui. Voilà, et je pense que c'est une belle commémoration. Et, même si ça n'a pas été un artiste des années 80, c'est un artiste qui a quand même marqué plusieurs générations. Je pense qu'il aurait pu l'être s'il était encore de... Il aurait quel âge aujourd'hui? 81 ans. Et donc tu nous parles de... Mad Elvis. Absolument. En fait, c'était pour... j'avais envie de faire un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude. Et j'avais réfléchi un petit peu aux derniers événements de la semaine dernière, entre autres, hein, il y a Jerry Lewis qui est disparu, grand comique américain. Ouais. Je déplore d'ailleurs qu'aucune chaîne n'ait rendu hommage, même on s'attendait à ce que TMC diffuse un de ses films, mais pas du tout. Enfin bref. Et donc je suis remonté jusque, effectivement, au 16 août, c'était les 40 ans de la mort du King. Quoi. Alors je tiens à préciser, pas un fan, contrairement à ce qu'on pourrait penser de Elvis. Mais bon, je pense qu'on se doit de lui rendre hommage de toute façon. Et parce que, quand on regarde quand même 40 ans après, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la cérémonie qui a été faite à Graceland. Non. C'est quand même un des artistes qui, de son mortel, vend le plus de disques, ouais. Encore aujourd'hui. Mais il a peut-être vendu plus d'ailleurs de sa mort que. Juste après sa mort, oui. Oui. Ah ouais, oui, certainement. Voilà. Allez, donc on va rebondir là-dessus. Rumors spreading round. Alors, évidemment, c'est pas lui, ça. Non, là, non. Alors, rappelle-nous, parce que à chaque fois, j'oublie. Hein, ça, c'est la grande ZZ Top. Ah, 74. Oui, évidemment. Ouais. Alors, on va peut-être pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. J'ai pris les deux morceaux qui symbolisent le début de sa carrière en 56 avec Hound Dog. Ah, oui, évidemment. Voilà. You ain't nothing but a hound dog. The crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Tiré du film Le Rock du Bagne. Non. Ah, non. Je dis une bêtise alors. Non, c'est non, ça c'est 56. Tu as bien dit une bêtise. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas le Rock du Bagne. Bien de le dire. Non, non. Y a, savoir qu'il y a eu d'autres titres qui ont été faits avant. Hein. Ça, c'est l'époque RCA. Il avait enregistré chez Sun. Hein, ou d'autres, comme Jerry Lewis, d'ailleurs. Jerry Lee Lewis, avait enregistré. Et d'ailleurs, un des seuls du fameux poster qu'on appelle le Million Quartet Dollar, encore vivant de nos jours. Alors justement, puisque tu parlais du Rock du Bagne, le voilà le titre. Et ça, c'est 57, Jailhouse Rock. T'étais pas loin. Ouais. Entre autres, hein, il a été acteur aussi. Il a fait pas mal de films, des bons films. Il a pas fait. On peut pas dire vraiment de nanar. Pour l'époque, c'était de bons films. Oui. C'est un bon acteur. Bah, disons que ça a vieilli un peu, quoi. Mais ça se laisse regarder. Pour nous, mais c'est surtout que ça a fait beaucoup d'entrées parce que lui, absolument, était fort connu. Et, ouais, ça. Oui, il était déjà très populaire. Et puis, évidemment, il y avait des titres qui ont été repris, comme celui-là de 57 de Cher-Sia, dans lequel il n'a fait que augmenter son succès. Et populariser ce titre-là. Donc voilà, ça c'était pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. En fait, ce que je voulais faire, c'est que, comme je le disais précédemment, bien démontrer qu'en fait, même encore aujourd'hui, il inspire beaucoup de gens. Ah, bien sûr. Hein, y a eu d'autres personnes avant lui qui ont, avec les débuts de rock'n'roll, on parle de rock'n'roll, mais il y a Bill Haley avant, il y a eu Carl Perkins qui était dans la même maison de disques. Bill Haley and the Comet. Ouais, tout à fait. Bon, donc c'est lui qui a, on peut dire, popularisé le rock'n'roll. Il faut savoir qu'il a fait des titres qui n'ont pas été que de lui non plus. La preuve en est, c'est que le premier Hound Dog, c'est un titre d'une black en fait, qui s'appelait Big Mama Sauna. Ah d'accord. En fait, oui. Plein d'autres titres comme ça. Et on va démarrer justement avec un titre qui a été repris dans les années 80, on va y venir, avec le titre Suspicious Mind. Ah bah oui, évidemment. Qui est un titre de 75, qu'Elvis a popularisé mais qui n'était pas d'Elvis. Ah en plus. Ouais. Donc c'est une reprise d'une reprise. Exactement. Donc là, c'est la version d'Elvis. La version d'Elvis de 69, qui était une très belle version déjà. We're caught in a trap. I can't walk out. because I love you too much, baby. Why can't you see? Excusez-moi, il fait très chaud dans le studio. Oui, oui. J'étais en train de parler avec Divine et Divine est en train de fondre. Voilà. Bon, elle s'est déjà mise en sous-vêtements, donc j'ai dit ouvre la porte, ce serait mieux. Quoi. Donc ça, c'est la version d'Elvis qui était sortie en 69, ouais. Toujours sur le label RCA. Mais il faut savoir que l'original avait été fait un an auparavant, en 68, par un artiste qui n'est pas connu, sauf pour les amateurs de soul music, hein, puisque son nom, c'était Mark James, en 68, et sur un petit label anglais qui s'appelait Scepter Records. Et le voilà. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. But why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Oh, ben, voilà. J'aime bien. Oui. Alors voilà, donc c'était l'original, donc effectivement Elvis l'a popularisé. Et évidemment, bah, c'était pour en venir donc à la reprise. Donc, excuse-moi, je te coupe, mais tu oui. pourras dire à ta maman, « Ouais, maman, je sais que ça, c'est pas d'Elvis, tu vois. » Je te donnerai mes notes. Ça marche, pas de soucis. Et évidemment, c'était pour en venir, donc, à la, puisque je parlais de reprise, hein, la fameuse reprise qui est très connue des Fine Young Cannibals, qui est sortie, elle, en 85. Ouais. We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Voilà. Donc la version des Fine Young Cannibals avec la voix un peu particulière de Roland Gift. Ouais, c'est ce que je disais hors antenne, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une patate chaude dans la bouche. Mais, c'est ce qui a fait aussi un petit peu, comme je dis toujours, un peu la marque de fabrique du groupe aussi. Oui, bien sûr. Il y a des voix comme ça. Ça ne m'empêche pas d'adorer, évidemment. Non, et j'avouerai que j'ai toujours trouvé cette reprise bien faite. Ouais. Elle a l'air un petit peu plus speed en fait. Hein. Bah, j'ai l'impression que d'année en année, en fait, les versions sont de plus en plus speed. La toute non, mais ça première passe. Ça est passe. Douce, après celle d'Elvis un peu plus speed, et puis celle des Fine Young Cannibals, finalement, on accélère. Alors, comme on va continuer, je n'ai pas pris beaucoup de reprises, hein, puisqu'elles ne sont pas toutes forcément des années 80, mais j'ai pris les plus populaires, toujours pour montrer que Elvis, même encore aujourd'hui, est quelqu'un qui apporte beaucoup d'influence, même encore dans les comptes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Puisque là, bon, je vous passe d'abord la version originale. On va partir sur le titre de Viva Las Vegas, qui est de 63, par Elvis lui-même. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Alors justement, là je vais t'étonner parce que tu viens de dire hors antenne, puis tu serais curieux de savoir qui l'a reprise. Bah ouais. Ça a été repris en 80 par un groupe qui fait en fait l'intro de ma chronique. Ah bah les Stray Cats. Non, non. Ah non, j'ai jamais utilisé Stray Cats. Vas-y, bah, Top. Voilà. Et c'est okay, ça, bon. En 80, ouais. Alors oui, justement. déçoit le zizi là. Oui, non, mais c'est les morceaux de 80. Le zizi est plus trop au top là, ouais. À ce niveau. Les ZZ Top, surtout à partir de 83 et l'apogée c'était 85, ont commencé à inclure des claviers au niveau des sonorités, puisque le bassiste Dusty sait jouer du clavier, et c'est ce qui les a perdus au niveau de leur public. Les gens se sont un petit peu les ont délaissés en fait, ça les intéressait plus. Pour les puristes, voilà. Je peux comprendre. Et c'est ce que maintes fois j'essaie d'expliquer. C'est bien parfois d'innover, mais bien souvent il y a aussi les maisons de disques qui font appui pour essayer de se mettre au goût du jour, et parfois ça peut être une erreur fondamentale. Je veux dire, c'est à eux aussi à dire oui ou non. Ouais. Et en fin de compte, quand on écoute ce qui a été fait pendant un moment, on les a pu entendus, je crois après 85 sur le dernier album Afterburner, ils sont revenus en 90 avec l'album Antina, sur des sonorités qui étaient plus proches de ce qu'ils faisaient au début. Et même les derniers albums qui ont été faits, quand tu écoutes, c'est vraiment un réel retour aux sources, et là leur public revient. Comme quoi, tu vois. Ouais, mais je peux comprendre. Voilà. Ça c'est clair. Alors, ben évidemment, donc c'était un peu particulier, oui. Parce qu'elle n'est pas très très connue. Alors, Viva Las Vegas, je lisais d'Elvis Presley, en fait, le morceau a été popularisé par contre avec le titre du même film. Et le morceau est sorti seulement après, je ne sais plus quel album, mais peu importe. On continue donc toujours avec un titre d'Elvis qui est un très beau slow, un slow de 61 qui s'appelle Can't Help Falling in Love with You. Ah oui! Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Allez. Alors évidemment, c'est pour passer à la version très connue, la reprise de UB40. Bien sûr. Yes. Qui date, elle, de 90 déjà. Voilà. Pourtant, j'adore. Et comme tu disais, c'est certainement de par leur version, grâce à eux, grâce à UB40, que certaines personnes ont pu découvrir l'original. Mais c'est ça, moi je connaissais pas du tout la version d'origine. Je l'ai découverte avec le film Sliver, parce que c'était la BO du film Sliver, avec Sharon Stone et William Baldwin. Ah oui. Et moi je connaissais pas du tout la version d'Elvis. J'ai connu par UB40, et ensuite j'ai su que c'était de Elvis à la base. Et donc j'ai écouté la version d'Elvis. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous ai mis une deuxième version que j'ai découvert d'un artiste que je connais très bien, que j'aime beaucoup, mais j'ignorais qu'il l'avait fait. Je n'ai pas que les versions studio, parce qu'il y a pléthore d'artistes qui ont fait des reprises live, ne figurent même pas en album live, mais qu'on trouve sur YouTube. Et j'ai découvert qu'en fait, Chris Isaak, en 2007, l'avait reprise. Oui, et ça lui va très bien. Très belle version. Isaak, d'ailleurs. Why men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. C'est dans la même veine qu'Elvis Presley, quoi. Pardon ? C'est dans la même veine qu'Elvis Presley. Oui, ouais. Mais il a un timbre de voix qui... Oui, oui. Parce que c'est bien parfois de faire des reprises, mais c'est de prendre le même timbre de voix. Et Chris Isaak n'est pas mort, c'est vrai. Non, je crois qu'il mélange les pinceaux. Je confonds avec Black, en fait. Voilà. Black. Ah, Black, le chanteur, Black. Wonderful Life. Ah oui, d'accord. Ouais, excuse-moi. Et bien, c'est terminé. Sur On, Sherlock. Ouais. Ok, non, c'était très bien. Mais voilà, moi, je ne connaissais pas la version de Chris Isaak. C'était la dernière ? Oui. Oh, je croyais que tu allais me parler aussi de la reprise de Pet Shop Boys. Ouais, entre autres, j'aurais pu Chip Trick qui a repris également Ouais, ouais, Bico. Ouais. Il y avait aussi Au Sole Mio. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même, il a quand même repris une chanson traditionnelle italienne pour en faire une chanson qui est plus sympa. Ouais, mais la version Elvis Presley quand même. Ouais, c'est ça. Non, non, non, c'est It's Now or Never. It's Now or Never. Oui. C'est pas Au Sole Mio, il a mais pas si, mais si, j'ai déjà entendu une version d'Elvis. Ah, peut-être, oui, là. Oui, oui, certainement, mais c'est pas celle qu'il a... Et il chantait Au Sole Mio, give me a sign, please let me be your valentine. Tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Waouh, waouh. Eh bien, mesdames, je sais pas si ça vous a parlé, la chronique d'Elvis Presley. Un petit peu, quand même. Oui. Ouais, ouais, bah j'espère bien, Laurine. Oui, ça fait plaisir. Oui. Ça monte pas, évidemment. Oui, bah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale, puisqu'on va recevoir. Alors, c'est ce que je m'amusais à dire tout à l'heure, la souris. La souris sur le gâteau. La souris sur le ghetto. La souris sur le gâteau. C'est aussi une candidate à l'élection donc, de Miss Rondissima, qu'on connaît aussi, on l'avait déjà vu, alors je sais pas où, hein, je pense qu'on a des amis en commun, je ne sais rien, enfin bref. C'est Louisa, qu'on va recevoir juste après cette petite coupure musicale. Et puis Louisa aura l'occasion aussi de connaître les sorties Sidoche. Oui, bien sûr. Alors Chepo, allez, toi qui es inspiré justement par le charme de ces demoiselles, quel titre tu vas nous trouver? Je sais pas, là, tu me prends de court. Alors, si tu veux faire plaisir à l'une des candidates, tu peux mettre Femme libérée de Cookie Dingler. Okay, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que j'ai dit faire. J'ai dit, ah, j'adore. Non, c'est pas j'ai dit faire. Ah, oui, non, c'était Femme libérée. Bah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, non, d'accord. Non, c'était Femme libérée de Cookie Dingler. Est-ce qu'il y a un autre titre qui peut. Ah, est-ce que vous voulez entendre un autre titre des années 80? Allez. Ah, Boy Boys. Sabrina. Ah, ça, c'est de la culture. Ouais, t'as vu ça. D'accord. Alors Sabrina, hop, c'est bon, c'est Boyo Boyo. Boyo Boyo. Ouais, alors pour la petite information, effectivement, la pauvre, on va encore se moquer d'elle. Et d'ailleurs, c'était une candidate à l'élection de Miss Ouattolo à l'époque, qui était venue, et puis elle nous parlait de Sabrina, et le titre, c'était pour elle Boyo Boyo. Voilà. Allez, bon, on s'écoute donc Cookie Dingler et Femme libérée, et Sabrina avec Boys. Cher. Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure. RQC, 95 FM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Illusion. Ah, je suis fan, moi j'adore. La chanson, j'aime le personnage. Ouais. J'aime un peu moins ce que je lui dois comme argent, mais. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant que Flipkat il n'ait pas dit tiens, il m'a rappelé en lui disant que tu lui dois 100 livres. Non, bah c'est tout. Non. Bon, ouais. Non, j'ai dit que j'ai balancé tes coordonnées. Hein, j'ai dit écoute. Il les a déjà. Hein. Non, non, il les avait plus. Hein. Ah, d'accord. Et je dis, écoute, il sait se débrouiller en anglais. Si tu peux voir avec, parce que j'ai un petit peu marre de passer message, je dis, hein, le prend pas mal. Il a dit, je comprends. Ah, mais c'est surtout qu'en ce moment, il a de la difficulté. Il m'a dit à quand même. Debout. Il m'a dit quand même que t'étais un an pas fait, quoi. Hein, donc, ouais, ouais, t'es poli ou plus. Hein. Ah, ouais, ouais. Comment tu dis un an pas fait en anglais, par contre A fucking guy. Bon, vous êtes toujours dans l'émission. A twat, on va dire. C'est ça. Comment tu dis twat. Le twat. Twat. Ok, ok, bah pourquoi. Tu vas payer wanker. Hein. Ah ouais. Wanker. Ok, ouais, peut-être. donc je vous rappelle que vous êtes dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, bien évidemment, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Là, on passe un agréable moment, puisque je vous rappelle que nous sommes donc avec, bien sûr, la présidente de l'association Rondissima, mais surtout avec quelques-unes des candidates donc à l'élection donc de Miss Rondissima, qui aura lieu, je vous rappelle, le 2 septembre. Ouverture des portes à 19h pour un début de spectacle à 20h. Donc c'est au CSE à Waterloo. Je vous inquiète un peu parce qu'effectivement, et c'est pas une plaisanterie, il reste que très peu de place. Donc si vous voulez plus d'informations, évidemment vous allez sur la page Facebook, vous tapez donc Asso Rondissima, et là vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. D'ailleurs, au passage, il y a Arnaud qui nous fait un petit coucou. Ouais. Voilà, de Bretagne. Bis du 34. Voilà, donc c'est Bretagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, vu la photo qu'il a envoyée, ça m'a l'air d'être breton. Ça, c'est clair. Il y a également. Il y a le bleu quand même. Ouais, bah ouais, je me doute, il a dû prendre la photo il y a quelques années. Il y a aussi Marjorie qui nous fait un petit coucou, et ça nous fait plaisir, Marjorie Demulier, hein, qu'on aime beaucoup et qu'on a reçu dans les studios, qui est à la fois chanteuse et très courageuse aussi, puisqu'effectivement, c'est pas simple pour elle en ce moment. Donc voilà, donc on lui fait aussi des gros poutous. On a eu aussi un coucou de Choco. Du Canada, voilà, oui. Carrément. Voilà, donc qui est au Québec actuellement avec Steve Surprenant. Et j'espère qu'un jour il nous reviendra aussi. Ah oui, j'aimerais bien. Oui. Ouais. Ah, franchement, tu te rappelles hein, Non, je n'étais pas là malheureusement. Ah ouais, franchement, c'est. Et je regarde. Voilà. Et il fait des. Alors c'est de la country, mais la vraie country, quoi. C'est pas le truc. La country originelle. Voilà. Ouais. Il reprend du Garth Brooks, par exemple, et c'est vraiment super. Un petit peu moins commercial, on va dire. Oui, oui, moins FM. Exactement, ouais. Exactement. Et donc voilà. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'émission, vous le savez maintenant, hein, c'est l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM et vous retrouvez notre page. Et là, on va retrouver, je vous le disais tout à l'heure, la souris sur le ghetto. Je vais l'appeler ma souris maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai envie de t'appeler comme ça. Alors elle est un peu intimidée, peut-être à cause de Flipkat, je sais pas, mais... Bon, non, pas du tout, on est avec Louisa. Bonsoir Louisa. Comment ça va? Ça va. Ouais, alors Louisa, qui est aussi l'une des candidates parmi les 12 candidates. Ouais. Pour la, donc, l'élection donc, de Miss Rondissima qui aura lieu donc, le 2 septembre. Première élection pour toi? Oui, première. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé alors, dis-nous? Moi, c'était différent. En fait, moi, je connaissais le principe parce que je connais Ludivine, la deuxième dauphine de l'année dernière. Ouais. Et j'étais pas du tout dans l'optique des défilés, des podiums et tout ça. Et j'ai rencontré Samantha lors d'une soirée qui a envoyé ses misses de l'année dernière pour me donner une carte pour que je m'inscrive. Et c'était pas du tout mon truc. Mes amis, mes cousines, ben, que tu connais, m'ont poussé. Du coup, je suis allée vers Samantha pour lui poser plein de questions et j'ai fini par m'inscrire. Alors, une question, comment elle a réussi? Parce que tu es en train de me dire qu'effectivement, c'était pas ton truc. C'est bien ça, hein. Comment Samantha a réussi à te convaincre, justement, de participer à l'élection? Bah, je lui ai posé plein de questions et c'est surtout ma cousine qui a fait Miss Waterloo qui m'a dit que c'était une bonne expérience. Samantha l'a confirmé. Enfin, tout le monde me confirmait la même chose. Parce que j'ai un côté hyper timide, je suis hyper angoissée. Sans blague. Oh, mais non, c'est pas vrai. Si. Et donc, timide peut-être, ouais. Angoissée encore pire. Ah bon? Et donc du coup, bah, je me suis lancée et puis bon, je suis encore un peu, mais ça va mieux. D'accord. Ça se soigne. Alors tu es temps. Je me soigne. Et donc oui, parce que Samantha nous le disait tout à l'heure que c'était un peu une forme de thérapie, c'est ça? Oui. Alors moi je veux bien. Je suis pas tout à fait d'accord avec Samantha parce que quand elle parle de thérapie, ça veut dire que quelque part il y a une forme de maladie. Alors que c'est pas du tout une maladie. Enfin, quand tu parles de thérapie, Samantha, quand tu vas chez le médecin, on dit voilà, tu vas faire une thérapie, c'est parce que t'es malade. Alors que vous êtes absolument pas malade. explication de texte. Alors, c'est un peu compliqué. Malheureusement, ce que je vais dire, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais si on est en situation d'obésité, si on est malade. Ah ouais, vraiment ? Ah ouais, c'est une maladie. C'est une maladie. Ouais. Donc voilà, après ça c'est propre à chacun. Mais quand je parle de thérapie, c'est-à-dire que c'est des filles qui sont arrivées le jour de l'entretien voilà, d'une telle manière. Et je pense que voilà, l'élection n'est pas encore passée, mais au jour d'aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Ouais. Il y a des choses qu'elles ont vécues qu'elles ne pensaient pas vivre. Et je pense que ce soit positif ou négatif, hein, je pense que ça les a transformées. Et c'est plus dans ce sens-là, en fait, que je parle de thérapie. Alors peut-être, oui, il y a peut-être voilà, la notion de maladie médicale derrière. Mais moi, c'est plus dans ce sens-là. C'est dans le sens où, voilà, je pense qu'elles sont transformées. Elles seront transformées aussi après l'élection parce que, ben, faut savoir le faire. Monter sur un podium face à 400 personnes, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, d'autant plus que, ben, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, quand on a des rondeurs qu'on a un peu différents, ben, c'est encore plus difficile. Et voilà, moi j'ai envie que, ben, qu'elle me dise, ben voilà, au jour d'aujourd'hui, Samantha, je me sens bien, je me sens mieux, je m'accepte plus, même si c'est encore difficile. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie d'entendre. Moi j'ai envie de dire que même à titre perso, te connaissant depuis quelques années, pas depuis 10 ans hein, quand même, mais je pense que ça t'a aussi transformé, cette association. Ah bah carrément, moi aussi. Voilà, je pense aussi, ça commence par toi. C'est toute ma vie. Voilà, tu t'as créé cette association, ça t'a transformé, et tu t'es dit, bah, pourquoi pas, et je vais transformer. Alors, transformer, c'est un grand mot, parce que c'est pas vrai. Vous n'avez pas changé, vous êtes toutes les mêmes, vous êtes tout le temps aussi charmante, tout le temps aussi adorable, tout le temps aussi timide. Hein, voilà, tout le temps aussi chiante, hein, les divines. Non. Donc, voilà. Non mais c'est vrai que je suis là pour donner des conseils, mais je pense qu'en 5 ans de vie associative dans l'association Rondissima, j'ai aussi appris des femmes. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, pareil, je ne suis pas la même qu'il y a 5 ans. Enfin, voilà, parce que j'ai pris des choses de certaines. Et voilà, on en apprend tous les jours, et je pense que l'association Rondissima, c'est ça, quoi. Ben c'est une belle association. Et alors, on peut dire quand même aussi que l'association Rondissima, c'est pas juste que l'élection, c'est aussi donc un défilé. Ben c'est en fait, c'est une association à la base de. Alors, c'est une association à la base pour les femmes rondes. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire que c'est une association pour les femmes, parce qu'on a vraiment de tout dans l'association, parce que ben il y a un phénomène. Alors, je vais pas dire un phénomène de mode, parce que bon, ça se dit pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont opérés. Et donc on a beaucoup de gens opérés dans l'association parce que ben voilà, on les voit comme ça au jour d'aujourd'hui, ben on se dit qu'est-ce qu'elles font dans l'association parce qu'elles sont toutes minces. Mm-hmm. Mais c'est des filles qui ont vécu ben le malaise d'être avec des rondeurs, d'être mal dans sa peau, voilà, donc ben elles font partie de l'association parce qu'elles savent ce que c'est. Et du coup, ben maintenant, voilà, c'est une association de femmes, et donc on fait plein de choses pour les femmes en termes de mode, santé, beauté, remise en forme. Donc oui, on fait beaucoup de défilés, on essaye de justement promouvoir ben, que la femme, malgré ses rondeurs, elle peut être jolie. Mais on fait pas mal d'autres choses, on fait des séances de relooking, on fait des séances de maquillage, on va faire des séances de shopping entre nanas, enfin voilà, des trucs de filles, quoi. On fait des réunions On fait des réunions. Ah non, ça non, ça non, on n'a pas encore fait. Je suis pas fermée, mais on n'a pas encore fait, non. Alors, je reviens vite sur le. Bah, vite, non, parce que bon, il est quand même 22h30, mais parce que Sherlock après va nous parler des sorties cinéma, je suis trop obligé. Hein. Ouais, tu ouais, vas oui. donner envie à Louisa d'aller au cinéma. Hein. T'as intérêt. Hein. C'est toute une organisation, évidemment. Tu es bien entouré pour l'élection. Alors, je ne parle que de l'élection parce qu'il y a aussi le salon du bien-être aussi. Je me salon rondeur et bien-être. Ouais. Rondeur et bien-être. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Mais dans le cadre donc de l'élection donc de Miss Rondissima, il y a du monde derrière dans les coulisses parce que il y a des coiffeurs, il y a des maquilleurs, il y a des gens qui vous prêtent des tenues. Si tu peux nous en parler, parce qu'effectivement, il y a du monde. Il y a du monde et d'ailleurs, ben, je les remercie énormément de croire en mon projet, de croire en cette élection, parce que ben, faut dire ce qui est pour rendre une femme jolie, la coiffure et le maquillage, c'est quand même très important. Quelle que on soit peut la être femme, belle hein, naturellement. Je veux dire, bah, bien sûr. Voilà, mais voilà, moi j'ai envie que ce soir-là, les 12 candidates soient au mieux de leur forme, qu'elles se sentent comme elles se sont jamais senties. Et donc, je voudrais remercier l'école de maquillage Annie Gaillot sur Lille. Et donc, sa professeure Jennifer Puléo, donc, qui va venir avec ses élèves pour maquiller les 12 candidates. Ouais. Les Miss de 2016, ainsi que moi. Toutes les équipes de coiffeurs. Donc, il y a Lia Coiffure de Roubaix, Audrey Passion Coiffure, Laura Tabary, Vanessa Vanouche, Maggie et le salon Boudoir à Moucron qui est juste en face de chez vous. Oui, alors voilà. J'ai découvert qu'il y avait un salon de coiffure. Partenaire officiel. Juste en face, voilà. Bah, c'est l'ancien resto Sushi, qui est devenu un salon de coiffure. Donc tu sais où aller maintenant avant de venir ici à la radio. Les filles, elles auront la chance d'avoir de jolis bijoux avec leur robe de soirée. Donc c'est les bijoux Victoria, prêtés par Daphné. Leur tenue de ville, c'est la boutique Chopétillante à Luin, donc, qui est notre partenaire depuis 2 ans. Les robes de soirée, elles sont prêtées par Anachi Couture. On a également aussi Thierry Plouy, donc j'ai parlé de lui tout à l'heure, qui fait nos montages vidéo, tous nos montages vidéo, qui sera là lors de la soirée pour filmer toute l'élection, parce que ça a été un gros manque l'année dernière, c'est que ça n'a pas été filmé. Ouais. Donc cette année, je voulais mettre un poids d'honneur là-dessus. Et puis on remercie la ville de Waterloo et tous les techniciens qui sont derrière pour pouvoir faire de cette soirée une super année, soirée. Hein. Comment ? T'auras pas Dan cette année. Hein. J'aurai pas Dan. Dan ? Ah ouais, qui était le régisseur, il n'est plus là. Je croyais qu'il y avait un âne qui venait. Moi aussi. T'auras pas d'âne. Bon, voilà. C'est pas le salon de l'agriculture. Non, il sera pas là, malheureusement. Il y aura d'autres remplaçants tout aussi bons. Voilà. T'inquiète, il y aura certainement Jérôme et j'espère bien. Pascal et toute l'équipe qui seront là, évidemment. Donc, pour ce défilé qui aura lieu, l'élection de Miss Grandissima, donc ce 2 septembre, donc à 19h, c'est placé ou pas? Non, c'est pas placé. Donc justement, les premières arrivées. Il y a que les VIP qui sont placés, mais premières arrivées, premiers services. Et les VIP, vous les mettez dans le fond? Non, les VIP sont juste à côté du podium. Non, mais je disais les VIP. Oh là là là là. Faut les mettre près des toilettes, les VIP. Bon, Louisa, on va parler de cinéma. On va clôturer l'émission là-dessus. Bah ouais, évidemment. Tu vas au cinoche, toi, ou pas? Je déteste le cinéma. C'est vrai? Ça me stresse de rester assis dans une salle 2 heures. Ah bon? Ouais, ça m'angoisse. Ouais, mais chez toi, par exemple, tu ouais, vas au Cinoche. Ouais, je regarde des films. Tu regardes le Cinoche, ouais. Ouais. Et c'est quoi ton style de film? C'est des films qui font pleurer. Ah, les films romantiques. Ouais, mais qui font pleurer parce qu'ils sont nuls ou pleurer? Regarde, ils sont tristes. Quel genre de film? C'est hyper rare que je regarde un film. Est-ce que tu aimes les films de Gladiator? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi ton film préféré? Ouais, ton film préféré par exemple. Oh, c'est un film vieux, c'est La Boum. Ah, 1982 quand même. Ah, ouais. Mais vu ton âge, comment tu connais La Boum? Ouais, je suis vieille. J'ai 38 ans, donc je connais La Boum. 1982. J'étais déjà née. Ceci dit, 82. T'avais 4 ans, donc. Enfin, ceci dit, ça, La Boum, c'est un film qui se regarde encore maintenant. Ah, oui, bien sûr. Carrément. Voilà, c'est tellement, c'est frais, c'est. Ouais, non, mais c'est clair. Il y a plein de films comme ça qui datent de. Regarde la grande vadrouille, on le regarde encore maintenant. Hein, absolument. Flip 4. Indémodable. Oui, non, mais j'ai pas envie de le lire, j'aime bien. Oui, bien moi sûr. Aussi. Hein. Ah bah. Pourquoi un Flip 4. Ah, parce que toi, tu as été le voir au cinéma, pas nous. Bien sûr, j'en suis fier. C'est ça la différence, c'est que j'ai connu la bonne époque. J'étais ado dans les années 80. Ouais, c'est clair. Ouais. 80, j'avais 16 ans. Ouais. Non, mais je me doute. Ouais. Et le muet, ça devait être génial. Le cinéma muet, c'était comment? Bah écoute. Avec le mec au piano sur le côté de l'écran. Ça me laisse sans parole, je ne sais que dire. Bref, et Sherlock, à toi de jouer. Allez, bah, c'est parti. J'y arriverai pas. Ah si, tu le fais. Non, tu le fais. Fais plaisir à Samantha et Louisa. Je ne saurais même pas si c'est. Si je connais. Vas-y. Oui, bah oui, mais forcément. Que se passe-t-il, R2? On m'appelle déjà pour la chronique. Ah oui, merde, il est déjà 22h35. On a dépassé l'horaire de l'émission. Bon, allez, c'est parti alors. C'est quoi une chronique? J'ai envie d'acharner, c'est sa chronique, mais grave. Ouais. Alors, donc. Oui, je vais vous parler donc des sorties ciné pour demain, donc 23 août, avec les sorties ciné pour la Belgique tout d'abord, et ensuite pour la France. Donc je vais commencer avec la Belgique, avec Les As de la Jungle. C'est un film d'animation qui est sorti donc déjà en France depuis le 26 juillet, donc ça fait quasi un mois. Ah ouais. Qu'il est sorti en France, il arrive enfin en Belgique. En Belgique, c'est ça, ouais. Ça doit être ça. Donc c'est un film de David Allo, Et donc c'est Maurice qui a tout d'un pingouin, mais le tigre est en lui, en fait, c'est un tigre pingouin. Ouais. Ouais, d'accord. Il a été élevé par une tigresse et donc ce pingouin est loin d'être manchot et est devenu un pro du kung-fu. Donc avec ses amis les As de la Jungle, donc Maurice entend dorénavant faire régner l'ordre et la justice dans la jungle comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires, pas très futés, a pour projet de détruire la jungle. Les As de la Jungle volent à la rescousse. Non, attends, le réalisateur, il a fumé ou je sais pas. Mais... Je pense. Attends, scénario, je pense, mais bon, c'est un film pour les plus jeunes, forcément. Ouais, ou les défoncer. Aussi. Tu me diras, il y a une fois, je suis allé voir, alors c'était le film Seul sur Mars, ouais. Qui est un très bon film, d'ailleurs. Mm-hmm. Et il y a un gars qui s'est assis deux sièges à côté de moi, il a retiré ses pompes, il s'est mis recroquevillé sur son siège, il a mis son manteau et il a pioncé tout le film. Mais dès le début, hein. Il s'est assis, il a mis ses... À mon avis, on lui a offert la place. Bah écoute, je sais pas. Mais franchement, je me dis, il a été con parce que le film était pas mal. Alors, donc ensuite, il y a un film qui a été récompensé par la critique. C'est 120 battements par minute. C'est un film de Robin Campillo. C'est avec Adèle Haenel, Arnaud Valois et Nahuel Pérez Biscayar. Ça sort en France également demain. Et donc ça se passe au début des années 90, alors que le sida tue depuis près de 10 ans, les militants d'ACT UP Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Et nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Donc c'est un film d'amour, mais un peu provoque aussi. Un film un peu un télo, on va dire. Ah ouais. Un télo français, ouais. Ok. Bah, c'est français. C'est français. Ah ouais, c'est français. D'accord. Ouais, donc, la merde, quoi. Ouais, c'est Robin Campillo en fait, c'est pas Robin Campillo, c'est parce que j'essaie de l'américaniser, ah oui, ça fait toujours mieux. Et c'est quoi le titre? C'est 120 battements par minute. D'accord, ok. Et donc pour Canon qui n'est pas là, il y a du Jimmy Somerville dedans comme musique. Ah bah rien que pour ça, il va aller le voir. Les. Bah peut-être, ouais. Alors donc en France sort demain Les Proies, c'est avec Colin Farrell, Nicole Kidman et Kirsten Dunst. C'est un film de Sofia Coppola et ça sort en Belgique le 20 septembre. Donc ça se passe en pleine guerre de sécession dans le sud profond. Les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elle lui offre refuge et panse ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent jusqu'à ce que des événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous. Ça m'a l'air d'être un film plus thriller. Ouais, c'est ça, ouais. On se demande un petit peu ce qui se passe quand même dans cet internat. Hein. C'est, ouais. Ça m'a l'air d'être pas très catholique quand même, ce qui se passe là-dedans. Dans un internat. Hein, ouais, non, mais alors ouais, effectivement, le début, ça fait vraiment le gars qui est blessé, elle le recueille, elle le soigne et tout ça. Et puis lui il commence à draguer une fille, et puis deux, puis trois, et puis bah à la fin, on se dit. En fait, elles l'ont torturé, ou je sais pas. Il y a un truc bizarre là-dessus. Ah, en ouais, fait. Je pense qu'il dit c'est... merci qui. Ouais, voilà. Non, ils le disent pas ça. Alors, et je vais finir donc avec Hitman and Bodyguard. C'est avec Ryan Reynolds, donc celui qui jouait Deadpool. Ouais, le fils de Burt. Non, pas du tout. Pas si. Le fils de Burt Reynolds, enfin. Si. Je pense pas, non. Bah si. Allez, on va aller vérifier sur internet. Donc, avec Samuel L. Jackson et Gary Oldman, c'est un Michael. Film de Patrick Hughes. Mais non, Michael. Et Gary Oldman, vas-y. Le fils de. Je sais pas. Voilà. Alors, donc, c'est un film de Patrick Hughes et ça sort en Belgique également demain. Donc, c'est un redoutable tueur à gages qui est joué par Samuel L. Jackson qui est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye. Ouais. Voilà. Ouais, c'est la haie. Bon, ouais, je le dis comme je veux, merde. Non, c'est la haie. Bon, d'accord, de la haie alors. Bah oui. Bah ouais, mais c'est parce que je me dis, si je dis la haie, tu vas me dire le fils de Jean-Luc. Donc, c'est la haie. On dit la haie. Ou le fils de Brigitte. Non. Non. Bon, d'accord. Donc Interpol est alors chargé de l'escorter jusqu'aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais c'est sans savoir que depuis des années, les deux hommes s'opposent. Les voilà donc désormais obligés de s'associer pour tenter de survivre aux pires épreuves. Donc de l'Angleterre à la haie. Ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale de tentatives de meurtres, de courses-poursuites pour échapper à un dictateur d'Europe de l'Est, prêt à tout pour les éliminer. Donc c'est un gros film d'action. Rappelle-nous le titre. Ça s'appelle Hitman and Bodyguard. Alors, Louisa, fais-nous le résumé du film Hitman and Bodyguard. Toi qui as bien écouté. Bon. Alors, si tu pouvais... D'habitude, je suis une bonne élève, mais là... Et là, donc, dans deux minutes, tu me demandes de le réexpliquer. Ouais. Donc, c'est un tueur à gages qui doit aller témoigner contre son ancien patron, qui est un dictateur de l'Europe de l'Est. Ouais. Et pour l'escorter jusqu'au grand... à la grande cour de justice de la Haye, ils engagent un enfoiré. Ils engagent donc un bodyguard pour le protéger. Mais c'est un gros film d'action avec mais beaucoup Whitney Houston, elle est morte, non ? Ouais, non, mais on entend aussi la musique justement. Non, ils ont pas fait ça quand même. Si, si, dans la bande-annonce, au moins ils l'ont fait. Allez, sérieux ? Ouais, ouais. Ah d'accord. Ah bon, allez Louisa, tirez voir quoi ? Celui-là. Ouais, parce que ça te, je pense que tu te rappelles pas de ce qu'il a raconté avant. Non, non, franchement, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action. C'est, ouais. C'est vraiment, on va dire, le blockbuster de la semaine, quoi. D'accord. Du jour même. Suspense, c'est pas mon truc. Mais ok, là, donc tu irais voir, rappelle-nous le titre. Hitman and Bodyguard. Hitman and Bodyguard. Samantha, tu irais voir ça ? Aucun. Oh, sérieux ? Non, moi j'aime les comédies. Si je vais au cinéma, c'est pour me détendre, pour rire. Donc voilà. Ah oui. Ah là pour le coup, ah, c'est loupé hein. Ouais. Bah, au niveau comédie, il y a encore Moi Moche et Méchant 3. Ouais. C'est pas mal, je suis allé voir avec mon gamin, je le reprends. Je pense animé. Qu'il y a encore Sale Gosse. Oui. Ah, il y a eu Moi Moche et Rafi alors. Si tu veux. Non, non, alors il y a. Non, non, mais. La différence, c'est quoi, à mon âge, tu vois, j'ai des gosses. Pas quatre tout le monde. Ah, moi aussi, j'en ai deux, c'est gentil. Il y a encore Sale Gosse. Ah, ils sont dans le formal alors. Ah, tu disais, Sherlock ? Donc, je disais, il y a encore Sale Gosse qui est au cinéma. Ça, je suis allé le voir. C'est sympa. C'est vraiment sympa. C'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a loupé son bac et on lui dit bah, tu vas aller faire les colonies de vacances en tant que moniteur. Lui, s'attend à gérer des petits jeunes et en fait, il se retrouve avec tous des retraités. Ah, ça va être sympa. Et ouais, c'est sympa. Une comédie alors. Ouais, ouais, ouais. Et c'est une merde générale. Quoi. Franchement, ils lui font les pires crasses et franchement, c'est excellent. C'est d'accord. Une très bonne comédie film française. Français, ouais, si, si. Ah, d'accord. C'est une très bonne comédie française. Ah, l'acteur, il est connu, là. On le voit un peu partout, là. En ce moment, oui, il a joué dans un jeune premier, quoi. Mon Poussin. Quelques semaines avant, qui est sorti quelques semaines avant. Ah, il était sorti à Pâques, non ? Non, pas du tout. C'est pas possible. Vivement que ça se finisse. Il est tard, là. Eh ben, on va terminer là-dessus. En tout cas, merci à toi, Sherlock, de nous avoir donné envie de rester chez nous. Ouais. En tout cas, t'as pas donné envie à Louisa d'aller... Ah si, d'aller aussi. Si, oui, mais sans grande conviction, j'ai remarqué. Non, tu m'as dit de choisir entre les... Voilà, trois. Elle a pas le choix. Mais j'irai pas le voir. Ah bah bien, c'est subtil. J'aime ta façon de penser. C'est vrai. Très bien. Si on lui offrait une place de cinéma, voilà. Lequel éventuellement. Irait-elle voir. Ah voilà. Mais peut-être okay. Que je dormirai. Là-dessus, je te comprends. Hein. Mais profites-en parce que tu sais qu'il y a des fauteuils duo là au cinéma le Forever. Ouais. Si tu vas accompagner, tu peux dormir et puis. Et l'autre, moi. Non, mais j'ai trouvé l'autre. Bon, il est rigolo, lui. Bon, en tout cas, Louisa, on te souhaite bonne chance pour l'élection. Hein, quand même, donc, de Miss Rondissima. Qui a lieu, donc, si tu nous fais la promo de l'élection, c'est quand, c'est où ? Le 2 septembre, à partir de 19h, au CSE de Waterloo. Voilà, le prix de l'entrée. 10 euros les adultes, 5 euros les enfants. Eh ben voilà, il y aura restauration sur place. Voilà, exactement. De quoi boire un petit verre, donc la totale. Et plus vous, sur scène, il y a de quoi s'éclater. Donc c'est le 2 septembre, prenez rendez-vous. Un petit dernier mot de la fin, Samantha ? Alors un petit dernier mot, contente de vivre cette aventure avec les filles, avec les Miss 2016. J'ai pas dit non plus que Ludivine, en fait, c'est la nounou. Des candidates, donc c'est elle qui s'occupe des filles, quand ça va, quand ça va pas. Voilà, donc je la remercie, ça, ouais elle fait ça très bien, j'espère qu'elle re-signera pour l'année prochaine d'ailleurs. Tout à l'heure t'as dit une petite anecdote, enfin une petite phrase, merci qui. Voilà, donc ça m'a fait penser à quelqu'un. Et... ça m'a fait penser à mon mec et moi. Ah bah voilà, ça m'a fait penser à mon mec en effet. Sérieux. <D'accord. rire> Mais voilà, il m'écoute et je pense qu'il sait pourquoi. Non, il s'appelle Vincent. Et voilà, je lui dis merci parce que parce qu'il est toujours là. Alors il est pas toujours facile, c'est sûr. Hein. Les filles, elles commencent à le connaître. Mais voilà, il me suit dans tout ce que je fais. Et voilà, je pense que j'aurais pas pu rencontrer quelqu'un de mieux par rapport à ça. Ouais. Et voilà, je lui dis que je l'aime. Voilà. Et moi, je vais me le taper là pendant quelques semaines. Ah ouais, tu vas te taper Vincent. Je vais le taper dans les quelques semaines. Et il sait qu'il va en chier, mon ami. Je sais pas s'il dira merci qui, mais... Ouais, non. Il dira peut-être pas merci. On a du boulot, on a du pain sur la planche avec notre ami Vincent. Ouais, voilà. Pour un prochain spectacle, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à vous. Merci de votre gentillesse, de votre charme. Merci de nous avoir accueillis gentiment. De votre sourire. Et puis, en tout cas, bonnes élections. Et puis... on se retrouve l'année prochaine ou même dans quelques semaines. Pour on pourra venir avec la Miss et ses dauphines. Absolument. Voilà. Avec la Miss et les dauphines. Avec plaisir. Portez-vous bien. Merci à vous. Également. Merci à vous. Merci Flipcat. De rien. Merci Sherlock. Mais je t'en prie. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Même heure, même antenne. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la semaine prochaine, on va recevoir d'ailleurs les organisateurs de Miss&O. Oui, c'est bien possible. C'est la semaine prochaine avec Christopher et puis les quelques candidates qui se présentent donc à Miss&O, qui est quand même une belle élection aussi. Donc on les recevra ici dans le studio. Voilà. Ok. Allez, et comment se dire adieu mieux qu'avec Jimmy Somerville et June Miles Kingston avec comment moi, je te dire adieu sortir plutôt. Après Jackie et Michel, je sais pas. Non. Donc Jimmy Somerville et June Miles Kingston avec comment te dire adieu. Bon adieu Sherlock. Allez c'est juste un au revoir. On se revoit la semaine prochaine. Bah oui c'est clair. Allez ciao. Ciao.